FOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, 89.1. Le plan de cette semaine à Assemblage requis. On achètera des gadgets complètement ridicules dans Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. On changera de marketing et de publicité dans notre segment nommé le bloc pub. Et on mangera au moins 30 minutes avant d'aller se baigner avec la bouffe de la semaine. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis pour la semaine du 23 juin 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Hey, Stéphanie. Hey, Mathieu. Hey, how are you doing? Oh non, on commence pas en anglais. Ah, excuse-moi. On est en onde, ça pourrait être gênant de montrer à quel point je suis pas bilingue. Yes, please. Number two. Ah, voilà. Au McDo, là. Ah oui, c'est un ouais. Mec poulet. Quand j'étais, je sais pas. Big Mac. Non, mais non. C'était les croquettes, me semble, numéro 2. Ah, ouais. Ici, c'est 10. En fait, chaque produit McDonald's mène directement aux toilettes, donc c'est tout des numéros 2. Il y a ça aussi. Donc, bienvenue à l'émission. Bienvenue à toi, Steph. Hey, merci. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, à l'émission, bien sûr, nos chroniques régulières. On va faire une bonne partie de nos chroniques régulières. On va faire C'est un fait en première demi-heure, comme toujours. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Ouais. Ensuite, j'ai rotationné out King Sexy Time pour pouvoir faire le bloc pub cette semaine. Ah, ça fait longtemps. Ça fait environ un mois et demi que je ne l'ai pas fait. Donc, imagine le nombre de liens que j'ai à partager avec vous. On va se prendre la demi-heure. T'sais. Ça va être terrible. On va se prendre la demi-heure. Ah, ouais. C'est quelle partie, ça, du corps, la demi-heure? Le milieu. OK. Ben ouais. Après ça, on va faire ce que ça devrait répondre là, la chronique de gadgets tachés sur Internet, bien sûr. Les instructions d'assemblage, on l'a pas fait depuis un petit moment aussi, donc on va revenir avec ça. Je me suis dit rotation power. Hein? Oh oui. Enlevons les affaires pour en mettre d'autres. Le puiseur du hasard. Ça fait comme 3 semaines que tu l'annonces. Ouais. Que... Ah, je l'ai fait la semaine passée. Oui, c'est vrai. 2 semaines dessus. C'est vrai. Non, ouais, avec aujourd'hui. Et j'ai prévu sa propre demi-heure aussi. On va discuter de tout ça, toi et moi, pour voir qu'est-ce qu'on fait dans quel ordre. Et finalement, en fin d'émission, comme on a tendance à le faire aussi, parce que c'est le moment approprié pour le faire, c'est la bouffe de la semaine. Ah ben ça, on peut pas rotationner ça. Ben non, ça, jamais tu vas nous enlever ça. Chaque fois où c'est possible de le faire, on va le faire. Sauf quand on prend volontairement des vacances. C'est ça. Par le milieu de l'été, alors qu'on pourrait se bourrer à face. Hein? On va quand même se bourrer à face, mais... Oui, juste en ronde. À domicile. C'est ça, avec des choses qu'on a déjà mangées. Fort probablement. Probablement. On n'est pas pour gaspiller ce qu'on n'a pas mangé puis le manger en ronde. Ça commence à être difficile. Honnêtement, ça commence à être difficile de trouver des choses à goûter. Surtout dans les commerces que moi, j'utilise pour faire ma bouffe de la semaine, ma malbouffe. Moi, j'utilise l'épicerie et le dépanneur en rotation. Il n'y a pas eu la SAQ il y a 2 semaines? Il y a eu la SAQ, c'était la semaine passée. C'était, je pense, la meilleure malbouffe jusqu'à maintenant. J'ai fini hier et il y a quelques jours. Les deux dernières canettes, c'était du rhum en canette. Oui, caïman... Quelque chose. C'était aux agrumes, en tout cas. Hein, c'était plus au rhum, je trouve. Ouais. Oui, c'est excellent. En tout cas, bref. On ne fera pas une autre chronique là-dessus. Hein. Oui, la canette comme orange. Oui. Bon. Donc, ce sera plus tard à l'émission, tout ça. Pendant les 3 prochaines heures, on est ensemble. Et bien sûr, pour ceux qui suivent à la maison cette semaine au Palmarès C'est fou, c'était la version francophone. Donc, on a un petit peu d'anglophone à écouter. On va aller avec une nouvelle entrée. Oui, je vole, je brûle. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Les punchs de la semaine prochaine. En faisant jouer une nouvelle pièce. Je suis de même, en avant-première. Oh, OK. Oh. Oui, ça va être nouveau la semaine prochaine. Mais là, pour l'instant, c'est pas encore... T'es wild. Ouais. On a passé par un spécial wet t-shirt aujourd'hui tellement qu'il fait chaud. Oui, c'est assez incroyable. Mais c'est chaud. C'est chaud et ensoleillé, mais dans le studio, c'est juste chaud et humide. Désagréable. C'est ça. Chaud et désagréable comme moi les soirs de party. Non. C'est même pas vrai parce que je fais pas le party, tu sais, clairement. Non, t'es juste chaud. C'est ça. Donc, j'allais dire, nouvelle entrée de Pascal Picard. Ah? Passe-pic, comme on dit. Oh. Dans Passe-partout, je pense qu'on l'appelait Passe-pic. Oui, oui. C'est Runaway. Ah, oh, 18e anglophone. Passe-pic, passe-moi ça. Sur C'est fou, 89 FM. Ouf! Muy caliente! Que calor! Aïe, aïe, aïe. Pascal Picard et sa nouvelle entrée, Runaway. C'est bon, hein? Je sais que tu tripes pas tellement sur notre ami Pascal. En tout cas, c'est ce que j'en comprends. Ça a pas changé, ça, hein? Malgré celle-là, elle passe beaucoup mieux que l'autre. Que Paper Planes? Oui. C'est un style assez particulier, Paper Planes. Je pense que t'es peut-être pas la seule. Je pense que j'étais peut-être le seul. La seule? Ouais, t'es effectivement probablement la seule. La seule qui se dit elle-même... Ouais. Donc, vous êtes à l'assemblage requis et la première chronique sur le bar, Steph, est-ce que tu sais ce que c'est comme ça par cœur? Est-ce que tu t'en rappelles? Faut-tu que je chante? Il va falloir que tu chantes. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait, c'est la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet. Oui, bien sûr. Toujours selon Internet, on s'enfle pas la tête en disant que ce sont des vérités. Ah, ben oui. Exact. Voyons donc, tout ce qui est sur Internet. Ben, c'est ça. S'il y a des photos de petits chats déguisés en Mythbusters, ben c'est que c'est leur chat. Ben oui. Mettons, là. Donc, commençons par pour le Super Bowl. Super Bowl, c'était en février, ça, je crois. À peu près? Oui, mars. Février. Sais-tu que les arbitres, les referees, reçoivent eux aussi une bague du Super Bowl? Ben, tant mieux. Ben oui, ils ont travaillé. Ben, ils ont super bien travaillé. Tout à fait. Parce qu'ils ont fait gagner l'équipe que tu voulais qu'ils gagnent, c'est ça? Non, pas nécessairement. Non. Hey, tu as entendu parler, toi? Je dis ça de même. Mais que l'Oriflamme reste au bar sportif. Hein? Offre du 12 juin au 13 juillet. Le buffet du sportif à 19$ plus taxe pour la Coupe du Monde de la FIFA. Tu veux ça? À volonté. 19$? Ouais, 18,95$. Il doit être intense, le buffet. Oui, avec L le poulet. Oh, hein? OK. Côte levée et pizza, tout ça à volonté. Hein? Sur réservation, donc appelez-les au 819-693-4774, option 3. Moi, je pense que c'est une bonne idée parce qu'à la longueur des matchs, tu es là vraiment longtemps, donc tu as envie de manger vraiment longtemps, tu prends ton temps. Et pour toutes les expériences que j'ai eues à l'Oriflamme, c'était toujours succulent. Oh. Donc, j'ai envie de commencer à aimer les sports juste pour aller à ce buffet à volonté-là, parce que pour vrai, là, pour 18,95 $... Oui, mais t'as le droit de faker, Mathieu. Tu peux y aller juste pour le buffet. C'est ça que je vais faire, je pense. Bref, suivez C'est fou. Écoutez, nous, tout l'été, parce qu'il va y avoir... Ben, pas tout l'été, parce que ça finit le 13 juillet, mais il va y avoir votre chance de gagner des billets pour ça, pour la Coupe du monde de la FIFA à l'Oriflamme. Bon. Tu fais-tu un truc? Quoi? Tu te peintures un logo d'une équipe dans la face. T'as l'air d'un vrai dans ce temps-là, puis y a personne qui te pose de questions. Oh, ni vu ni connu, ça. Ou tu y vas en chess, tu te peintures le logo Savedan. Je vais prendre l'option A. savais-tu que les tests contre les drogues aux Olympiques ont commencé en 1968 et Hans Gunnar Lildenvall, hein? Ça, c'est un Allemand, j'imagine, avec l'accent que t'as pris. Ça ressemble à peu près à ça. Donc, il a été le premier à tester positif pour une substance bannie. Et la substance bannie en 1968, c'était la bière. Oh! Il était le premier. Non, mais on s'entend-tu que si tu prends une bière avant d'y aller, tu te pénalises, là. Tu t'aides pas pantoute. Ça court un peu croche avec de la t'arrives bière encore. T'arrives mou, là. Un petit peu, là. Où c'est mis, comme tu veux. Le mot du jour que tu vas devoir deviner, Stéphanie, comme toujours, Dorifare. D-O-R-Y-P-H-O-R-E, Dorifare. Ça, c'est des Doritos très épicés. Ah, piquante, muy picante. Ouais. C'est ça? Non, c'est pas du tout ça. Non, c'est en fait quelqu'un qui attire tout le temps l'attention aux erreurs mineures des autres. Donc, quelqu'un fait une petite erreur, mettons, puis tu vas tout le temps aller lui dire, hey, t'as fait une erreur, mettons, tu sais, comme un petit pineux, genre. Puis même s'il n'y a pas grand chose, là, c'est juste pour. Même si c'est absolument rien, complètement anodin, tu fais chier tout le monde avec ça, parce que t'es de même. Donc, c'est Dorifare. Dorifare. Rien à voir avec les Doritos. D-O-R-Y-P-H-O-R-E, retenez ça. Oh, il y a un Y. Oui, il y a un Y, donc fantaisiste. C'est un mot sophistiqué, exact. Les otaries. Otters, Otari, ont une poche spéciale dans leur peau. Otters, c'est pas une loutre? Excuse-moi, je pense. Peut-être, hein? Veux-tu regarder, s'il te plaît? Tu serais bien fun. Peut-être, Otari, loutre, la différence entre les deux, en effet, même là, même maintenant que tu me le dis, je me demande c'est quoi la différence entre les deux. Mais bon. Donc, ont une poche spéciale dans leur peau pour pouvoir transporter, ben en fait, je sais pas si c'est là pour ça, là, mais ils peuvent transporter là-dedans leur roche préférée. Ben, c'est une loutre. C'est une loutre. Otari, c'est quoi en anglais, hein? Hein? C'est Sea Lion. Sea Lion, un lion ben de mer, oui, ben toi. Ben oui. Ben voyons donc, je retiens jamais ça. La loutre est comme bien plus hot. Ben c'est vrai. Mais c'est des faux amis, donc. Les faux amis, otters et otaries. Ben je vais retenir ça, merci Steph. Les scientifiques de la NASA ont fabriqué une recette pour ressembler le plus au gaz sur la lune de Saturne. Hein? Ça, ouais, ça donne quoi? Ben ça donne un mélange d'huile, de gaz, de pétrole, si on veut, et de PET, flatulence. Ah, du méthane. C'est génial, du méthane. Ça sent ça sur la surface de la lune de Saturne. Laquelle? Juste une? Bonne question. Je sais pas, t'en as beaucoup. Je connais juste les lunes de Jupiter. Jupiter. Jupiter. Moi, je suis plus sûr de quoi se parle. la couleur moyenne de l'univers, si on prend toutes les couleurs de l'univers et qu'on fait la moyenne de tout ça, OK? Ben, ça doit être noir. Non, étrangement, c'est... Ah, c'est vrai, c'est pas une couleur bleue. Non plus. Rouge. Non. Jaune. Non, c'est quelque chose de plate. Gris. Non. Pense à notre beau studio. Beige. C'est un genre de beige. C'est un cosmique latté, en fait, la couleur exacte. Cosmique latté. Ah, fait que ça serait un petit Fifty Shades of Beige. C'est exact. Ça fait café crème, tu sais, le blanc cassé, mais tu sais, crémeux, style surface de certains œufs, mettons aussi, peut-être. Okay. Des œufs plus beige. C'est pas beige. Beige. Ah, OK, j'ai compris des œufs beige. Couleur obèse, ce serait quoi? Ouais, c'est ça. Ben rouge ou mauve parce que t'as... Quand t'as de la misère à respirer, parce que tu te penches pour attacher tes souliers. On arrête ça. C'est donc cosmique laté. Allez voir la photo sur assemblagerequis.com. En Grèce antique, un match de golf commençait avec les deux boxeurs face à face avec leur nez qui se touchait. Attends, t'as interrompu exactement au bon moment. Quoi? Quoi? Hein? Match de quoi? Un match de boxe. Pas de Xbox, ça n'existait pas en Grèce antique. Ok, j'avais comme compris de golf. Hein? Puis là, tu parlais de boxeur. Hein? Je trouvais ça vraiment étrange comme sport. Je sais pas, des fois, mon cerveau fait de drôles de connexions. Mais c'est peut-être le mien aussi. Peut-être. Parce qu'il fait vraiment chaud. Oui. Mais je trouvais ça très étrange qu'un match de golf commence avec deux boxeurs qui se battent. Et en plus, que je dise que c'est un sport, parce que le golf, non, c'est pas vrai. Je suis pas en... T'es tous bien de pas commencer là-dessus. Ben les non. Gens, ça va arriver en studio pour... Parce que moi, j'ai des opinions sur les sports. en Grèce antique, un match de boxe... Oui. Hein? Commencer avec les deux boxeurs face à face avec leur nez qui se touchait. OK. C'était le fun, hein? Ça valait la peine pour ça. La grosseur du repas dans les peintures du dernier, comment est-ce qu'on l'appelle en français, The Last Supper, c'est comme le genre le de dernier souper. Bon, tu sais, des fois, ça pourrait être le dernier dîner, c'est les Français, tu sais. Parce que le petit déjeuner. On n'est pas en France. Donc, il faut les photos, hein, évidemment, les peintures du dernier souper. Le repas là-dessus, sur cette toile-là, a grossi de presque 70% depuis les 1000 dernières années. Ah ouais? À chaque fois qu'on le repeinture, on dirait, on le peinture avec un plus gros souper. Ah, ben là, des ailes de poulet, des côtes levées, la pizza, 18,95. Hein, où je peux avoir ça? À l'Oriflamme, du 12 juin au 13 juillet. Appelez le 819-693-4774, option 3. Mmh. Ensuite, le mot du jour encore. On a beaucoup du mot du jour. Ah ben oui. C'est ramiste. R-A-M-M-I-S-T. Qu'est-ce que ça veut dire? Ramiste. Ramiste. On dirait une religion. Ah oh non, ça c'est les Amish. Amish. C'était pas loin. Ouais. Ben j'en ai aucune idée. C'est quand t'es confus ou irritable parce que tu t'es réveillé trop tôt le matin. Tout le monde finalement. C'est ça. Stéphanie Paramiste. T'as pas spé quand même ça. Ça fitait quand même. Margaret Carey. Connais-tu Margaret Carey? Ben oui, ben oui. C'est le nom de la personne qui a été modèle pour les artistes de Disney quand ils ont créé Tinkerbell. C'est ça, j'allais... Ouais. Ben oui, c'est sûr. Mm. Ben oui, Tinkerbell. Alors, en français, Tinker Cloche, évidemment. À sa naissance, un panda est plus... retenez pas toutes les informations d'accord. À la naissance, un panda est plus petit qu'une souris et pèse environ 4 onces. Oh, mais ça doit tomber mignon. Est-ce que ça a déjà des taches? Ça ne dit pas si ça a des taches, c'est la question. Ça doit être comme les Dalmatiens, ça pousse avec le temps. Peut-être. Mais bon, un panda, c'est tout petit. Le logo du USB, c'est ça, USB? Ah oui, c'est comme des fils, là. Des fils. Ben non, comme des... Tu sais, un Y avec une barre de trop dans le milieu. Ouais. C'est basé sur la fourche de Neptune. On parlait de planète tantôt. Tu sais, la fourche de Neptune, il y avait une genre de fourchette, une trident qu'on appelle. Une fourchette. Une fourchette. Sûrement qu'ils voulaient des ailes contre levé, la pizza, faire la volonté du 95, la Coupe du Monde, la FIFA, l'Oriflamme, reste au bar sportif du 12 juillet au 13 juillet. C'est pas aussi le dessus de pochette d'un groupe Unknown Color, c'est ça? Ouais, exactement, que j'ai ici. Mais je le sortirai. Ça sera rare. Non, ça sert à rien de le sortir. Non. Caméra 3. Je vais montrer n'importe quoi comme un linge, mettons. Franchement, monte tes culottes. Montre pas ça. Les koalas, on revient aux koalas. Je sais pas pourquoi je l'ai inséré entre les deux. Celui-là le fait sur l'USB. Mais les koalas mâles ont deux pénis. Hein? Ah. Et les koalas femelles, elles, ont deux vagins. Ce qui est très commun chez les marsupiaux. Ce qui double le plaisir. Double your pleasure, double your fun, exactement. Ouais, ouais, ouais. Intéressant, les marsupiens, apparemment que c'est très commun chez eux. Bravo et bonne chance. Oui, ben bravo. Le pénis! Tout pénis! C'est comme Double Dick Dude, hein? Oui. N'oubliez pas d'aller chercher Double Dick Dude pour ceux que ça intéresse. Un homme à deux pénis complètement formé. J'espère qu'il va se trouver une double... Vagina Girl. Il y en a une en plus, hein? Le match parfait, là. Oh, ouais, j'ai déjà vu un reportage et... pas une vidéo, en fait. J'ai pas trouvé ça. En tout cas, j'espère qu'ils vont bien s'entendre aussi. C'est, comment tu veux ne pas? Hein? Ils ont été. T'appelles ça la destinée dans ce temps-là. Quand tu trouves une fille avec deux. C'est vrai que quand tu cherches ta douce moitié, tu l'âme sœur, ça a comme pas le choix. Là. Et tu fais yes, j'ai pas besoin d'aller fourrer un panda. T'sais. Parce que là, on s'entend que ça serait pas. On a parlé de gens obédiment morbides. Morbaise. Comment, c'est quoi le mot? Là? Obèsement morbide. Morbidement obèse. C'est ça. Morbidement obèse. Obèse morbide. Ça fait quoi, 6 fois, je le dis? donc, des gens qui sont trop gros pour les machines, les MRI, comment est-ce qu'on appelle ça en français? Les quoi? Comme un MRI, là, c'est comme un genre de scan pour le corps. On scanne le corps complet, on passe dans un tuyau. Un IRM en France. C'est ça, MRI, oui. IRM. Voyons, t'es-tu né en anglais, toi? On dirait, hein? C'est plate, hein? Ben oui, mais gâchement. Je m'assume. Les machines IRM, les gens qui sont trop gros, souvent, dans les hôpitaux, on va les envoyer dans des zoos. C'est un peu dégradant. Ouais. Okay, bon. Qu'est-ce que l'écholalie? E-C-H-O-L-A-L-I-E. Écholalie. Tu l'as déjà dit. Tu l'as déjà dit. Oui, mais je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Je sais que t'aimes pas ça, mais j'ai pas le choix. C'est quand tu veux, quand involontairement, t'es comme pas capable de t'empêcher, mais tu veux imiter quelqu'un qui vient dire quelque chose avec exactement la même voix. C'est vraiment ça. On dirait que je le fais plus sarcastique, par contre. Je vais vraiment sacrer mon cœur. Oh, elle dépose ses écouteurs. Claque-la pas. Oui, ça va. Non, Steph, pars pas. Ah, maudit, elle est partie. Et elle est de retour. Donc, écolalie, c'est comme ça qu'on appelle ça quand on veut absolument imiter. On n'est pas capable de s'empêcher d'imiter quelqu'un avec la même voix. Bon. Ensuite, une mauvaise main d'écriture, Steph. On n'a pas ça, nous deux, on écrit comme des filles. Toi, c'est normal. Moi, non, c'est un non, petit peu moins normal. Non, non, vraiment mal. Non, je trouve que t'écris... Non. Oh, merci, ça me touche. Pour vrai, je trouve que t'écris bien. Ça me touche. Oui, ben, ça me fait plaisir. Tu pourrais me renvoyer le compliment si tu voulais, mais bon, c'est pas donc... Non, mais ça, tu le sais, j'ai toujours trippé sur ton écriture. Ah, t'es fine. C'est... comment je dirais bien ça? T'as pas une écriture de gars. Non, c'est féminin Non, ouais. Pas nécessairement. Non. Je dirais métrosexuel. Oh! Hey, j'ai un voisin tellement métrosexuel, je te jure. Il a un soulier, tu sais, les petits souliers pointus, genre noir, bien ciré, petite chemise bien propre, les cheveux bien airs, avec les petites lunettes. Pareil comme dans un catalogue Sears. Mon voisin, pareil. J'ai découvert ça cette Mon semaine. Mon voisin d'à côté, c'est un catalogue Sears. Ça m'a impressionné. Un épluchette de revue. Est-ce qu'on avait un fait qui allait autour de ça? Une mauvaise main d'écriture, ça tue plus de 7000 personnes par année, selon une recherche. Hein? À cause d'une mauvaise main d'écriture, tu écris la mauvaise chose, le médecin écrit la mauvaise chose et ça tue, selon une source sûre, 7000 personnes environ par année. Oh! C'est dur, hein? Puis après ça, tu faisais des blagues, tu sais, sur l'écriture, puis métrosexuel. Ça t'apprendra. Hey! Macarena! Macarena! Disney a un centre de contrôle en dessous de la Terre qui empêche les gens d'attendre trop longtemps. Tu sais ça? Ben non. Ben c'est vrai. Les parcs Disney sont reconnus, ils sont très, très efficaces. Et un de leurs buts ultimes, c'est de ne jamais briser l'illusion qu'ils font à l'intérieur du parc. Donc, il ne faut pas que ça paraisse qu'il y a un système super compliqué derrière ça. C'est extrêmement compliqué. Donc, en dessous du château de Cendrillon, il y a un bunker qu'on appelle le Disney Operational Command Center, le DOCC, le DOC. Ça veut dire que s'il y a une attaque nucléaire, il faut que j'aille au château de Cendrillon? C'est exact. Donc, ça accueille ou héberge une équipe au complet qui doit organiser chaque petit détail du parc et s'assurer que les invités ne soient jamais frustrés dans leur attente chez Disney. Ils surveillent chacune des files du parc. Ils savent quand un manège commence à se remplir. Comme ça, ils peuvent envoyer un message aux opérateurs pour envoyer plusieurs plus de petites voiturettes dans le manège, etc., pour essayer de prendre plus de gens. Si une place est trop pleine, ils vont envoyer une mini-parade pour aller chercher les gens et les amener à des endroits qui sont moins remplis. Ils vont aussi envoyer des personnages costumés dans les lignes, les files qui sont trop longues pour essayer de les divertir un petit peu. Récemment, un visiteur moyen chez Magic Kingdom est seulement capable de faire 9 manèges. Même avec toutes les techniques qu'on vient de dire là, dans le nouveau centre, ils ont seulement réussi à monter ça à 10 manèges par visite au Magic Kingdom. Mais quand même, je trouve qu'ils font vraiment un bel effort. Pour vrai, là, c'est à encourager. Mais... Ça coûte cher en plus. Si j'attendais dans une file d'attente pour faire un manège puis que quelqu'un venait me chercher pour m'emmener ailleurs, non. C'est sûr que je frappe la mascotte. Là. Peu Grosse importe gifle, c'est hein, qui. Cockslap. L'asperge. Oh, ben l'asperge, toi! Le fruit. L'asperge, le légume. C'est pas le légume le moins cher sur le marché, on sait, c'est quand même relativement cher, les asperges. Mais son prix est apparemment justifié. Parce que ça prend beaucoup de patience faire pousser des asperges, savais-tu? C'est pas comme 3 ans. C'est quelque chose comme ça. Donc, les graines, genre, les trucs... doivent être trempées dans l'eau pendant quelques heures avant d'être plantées. Ensuite, on doit les planter dans de la terre humide et collante. Après 3 semaines, les premiers signes de vie apparaissent. Si c'est des plantes femelles, il faut les enlever et seulement les mâles doivent être gardés. Dans la première année après les avoir plantées, comme ça, tu peux pas couper rien de la plante et il faut que tu les transplantes ensuite. T'as pas l'air de manger rien. Dans la deuxième année, on recommande de toujours rien couper. Ce serait idéal de juste la laisser pousser. Lors de la troisième année, on peut commencer à couper, mais seulement pendant 3 à 5 semaines. Je connais pas tous les détails du jardinage c'est là-dedans. Compliqué. C'est super compliqué. Et finalement, dans la quatrième année, après les avoir plantés, on peut finalement manger ces asperges. Les plantes d'asperges vont vivre entre 15 et 20 ans. Bon, au moins une fois que c'est poussé, ça... C'est ça. Ça va mieux, là. Ça va mieux un peu, mais il faut vraiment beaucoup de patience. Surtout pour un légume que moi, j'aime pas du tout, du tout, du tout. Non! Non, je déteste ça. Comment ça? Bonne question et j'ai exactement la réponse. C'est vraiment, ça dépend de la texture. Moi, c'est toute une question de texture dans la vie, si j'aime quelque chose, si j'aime pas ça. C'est que les asperges, on dirait qu'il y a vraiment une très, très petite fenêtre d'opportunité de bonne cuisson. Ils sont soit beaucoup trop molles et ça c'est comme, j'aime vraiment pas quand c'est mou. Et quand c'est trop dur, que c'est trop croquant, il y a des filaments qui me pognent dans les dents, j'aime pas ça. Fait qu'il faut que ce soit exactement clair. Mais ça, les filaments, quand t'achètes tes asperges, est-ce que tu sais que tu dois la casser en deux? Ben, tu fais ça comme si c'était moi qui cuisinais. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. J'en ai pas mangé un seul depuis que je suis célibataire. Admettons que t'as une asperge faisant comme si tu voulais la briser, ouais. Elle va casser exactement au bon endroit entre la petite portion qui est beaucoup plus filandreuse dans le bas de la tige, qui est moins agréable à manger. Fait que déjà, ça enlèverait une grosse portion filandreuse aux asperges. Je préfère le petit bout, tu sais, le bout là, qui est comme la petite fleur. Ça, je trouve ça bon, ça. Ben oui. Juste des bouts de tout ça, ce serait parfait. Ben oui, mais déjà, on peut enlever une bonne portion. Moi, je me demandais, comment ils font pour savoir si c'est la plante femelle ou mâle? Ah, ça le dit dans l'article, attends un peu, j'avais pas dit parce que je savais pas trop comment le traduire, mais maintenant que tu me le demandes, je vais le dire quand même. Donc, les femelles vont avoir des... Ils chialent tout le temps. C'est ça. Genre, Dieu, mais ça me terre est bien trop sèche, là. Reste-moi un peu d'eau. Ça dit « female plants with berries on them ». Ils ont comme des genres berries et baies dessus. C'est ce que j'en comprends. Il faut les enlever et les plantes mâles n'ont pas ces baies-là. Ah, mais j'imagine qu'à l'œil, on peut voir. Ça doit être assez visuellement évident. De toute façon, faites une petite Google image là-dessus et puis vous allez trouver la différence au visuel, c'est sûr. On va parler maintenant des aborigènes, les peuples qui ont peuplé l'Australie. Donc, une règle culturelle aborigène que plusieurs pourraient aimer dans pas mal toutes les communautés, c'est la règle où on doit éviter sa belle-mère. C'est dans les communautés aborigènes de l'Australie. Cette règle-là bannit non seulement une personne de parler à la belle-mère de... dans le fond, assez bellement, ça vous interdit aussi de même la voir en général. Ça va jusqu'à éviter toutes les femmes qui sont dans le même groupe de peau que la belle-mère dans cette tribu-là. Hein? Et elle doit éviter tous les hommes qui sont dans le même groupe de peau, donc la même couleur, la même etc., que son beau-fils. S'ils sont ensemble à la même cérémonie, par exemple au mariage, ils doivent s'asseoir dos à dos. Ils doivent éviter de se parler. Et s'ils doivent absolument se parler, il faut le faire via le mari ou la femme. Ben voyons donc. Ouais. Cette coutume est toujours pratiquée dans les peuples aborigènes de l'Australie, à un différent degré. On voit ça comme une marque de respect. Une raison, c'est que les femmes, traditionnellement, vont se marier très, très tôt dans leur vie, juste après la puberté, alors que les hommes, eux, vont se marier à la fin de leur vingtaine. Et les belles-mères et les beaux-fils, donc, ont plus de chances d'être dans le même groupe d'âge. Et cette règle-là va empêcher les relations illicites. C'est comme ça que ça a débuté. On a suggéré que cette coutume-là, à l'origine, a été développée pour passer par-dessus une cause de friction assez commune dans les familles. Disons que ça a dû arriver pas mal souvent, donc on a mis cette règle-là. Pour que ça devienne une coutume, c'est parce que c'est intense. C'est vraiment quelque chose et que ça n'avait pas changé depuis. C'est encore bâti. Comme ça. Ils sont sûrement pas aussi, au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Les peuples aborigènes, d'après moi, c'est un peu comme les Amish. Ils doivent pas être sur Internet ben. Ouais, non, c'est sûr qu'il y a quand même moins de chance. Pas mal. Maintenant, on parle à la plus vieille personne du monde. Qui était une femme nommée Jeanne Calment. Mais en fait, elle n'est plus la personne la plus vieille du monde parce qu'elle est décédée, mais la plus vieille personne du monde à l'époque était une femme nommée Jeanne Calment en France, qui a vécu entre 1875 et 1997, ce qui veut dire qu'elle est décédée à l'âge de 122 ans et 164 jours. Ça commence à faire un petit bout. Aujourd'hui, la personne la plus vieille au monde, selon les documents, donc une personne qui a une preuve de sa naissance, bien sûr, c'est un homme qui vit au Japon, Hiroemon Kimura, qui est né le 19 avril 1897. Wow. Donc, il a 115 ans, 84 jours. Bon, en tout cas, à la date de l'article, ça doit faire un an au moins de ça. Donc, c'est aussi le plus vieil homme à avoir reçu le titre de, évidemment, d'homme le plus vieux au monde. Il a vécu plus longtemps que deux de ses enfants et même un petit-fils. Ah, ça doit être difficile, par contre. Et ça dit pas comment ils sont morts non plus. Peut-être que ça doit pas être par vieillesse. C'est relatif, là, la vieillesse. C'est ça, se rendre à 115 ans quelque chose, là, c'est pas quelque chose de commun. C'est aussi le dernier homme à être, en tout cas selon les vérifications qui sont possibles d'être faites, qui est né avant 1900. Kimura a eu 7 enfants, 5 sont encore vivants, 15 petits-enfants, 25 arrière, là on commence à dire arrière, petits-enfants, ensuite 13 arrière, petits-grands-enfants. Ah ouais. C'est un homme très actif qui est très, très pro-santé, là, c'est ce qu'il dit. Il a travaillé au bureau de poste pendant 40 ans et à sa retraite, il a commencé à gérer une ferme jusqu'à l'âge de 90 ans. Il se lève très tôt chaque matin, il lit le journal avec une loupe et dit que de petites portions de nourriture sont la clé d'une longue vie. Fascinant. Petites portions. C'est cool. Ensuite, on va parler des Aztèques et des Incas, un sujet évidemment qu'on connaît très, très bien. C'est... Oui. Ouais, évidemment. Oh, oui, l'Aztèque, là, c'est une voiture, puis Inca, ça, c'est pas un fromage. Aztèque, on dirait une compagnie qui fabriquerait genre des fesses. Des melons d'eau. Ah, OK. Donc, le beurre d'arachide, en fait, on parle des Aztèques en parallèle ou en tout cas par la bande. Le beurre d'arachide, les gens vont souvent créditer ou donner le crédit, si on veut... Même chose, je sais pas trop comment dire, mais bon, à l'homme d'affaires qui était précédemment C'est ça. Je pense que j'ai. Est-ce que c'est lui qui gérait des esclaves? Je pense que oui. Bref, George Washington Carver, on dit souvent que c'est lui qui a inventé le beurre d'arachide. Oui, oui, oui. C'est ça. Mais c'est pas lui, probablement. En tout cas, c'est ce qu'on en déduit de tout ça. Que l'origine date de bien avant ça. Les Aztèques et les Incas utilisaient, en fait, fabriquaient une version primitive du beurre d'arachide. C'était une pâte difficile à tartiner et qui avait un goût un petit peu plus, mettons, amer, âcre, quelque chose comme ça. Le beurre d'arachide moderne utilise de l'huile végétale. Et des machines pour mélanger ça. Évidemment, il n'y avait pas ça à l'époque. À la place, ces deux groupes-là, les Aztèques et les Incas, faisaient rôtir les noix. C'est bizarre comment on dit rôtir, roast, pour des noix. Mais quand c'est pour du café, roast, ça devient torréfié en français. T'sais. Mon cerveau veut dire torréfié. Ben, probablement qu'ils ont torréfié les noix. Peut-être. C'est quoi la différence? On ne sait pas. Bref, ils faisaient ensuite une pâte en les accrapoutissant. Avec des outils. C'est ce que j'en comprends. J'imagine que ça devait être avec des outils. Le beurre d'arachide moderne, lui, existe depuis la fin du 19e siècle. Le premier beurre d'arachide, le premier brevet, en fait, est arrivé en 1884, appartenait à l'inventeur canadien Marcellus Gilmore Edson, et on le remercie. Ben oui, vraiment. Mais moi, je comprends pas comment le beurre d'arachide pouvait avoir un goût bizarre, alors que le seul ingrédient dont tu as besoin, c'est des arachides. Ben, c'est ça. Donc, ça doit probablement être à cause de la torréfaction. J'imagine qu'il n'est pas pareil. Et est-ce que tu veux savoir c'est quoi exactement la torréfaction? S'il te plaît. C'est griller les grains brûlés à feu nu. Oh. Donc ça, c'est la définition du dictionnaire. Mais Wikipédia nous explique que la torréfaction est l'action d'exposer un aliment à un feu direct. Ah. Donc, on s'entend que dans un four, il n'y a pas de flamme directe. Donc, ça doit être ça, la différence. Elle donne un arôme qui rappelle l'odeur des aliments un peu grillés, calcinés. Donc, la torréfaction est utilisée aussi bien dans la fabrication de la bière que du café ou du cacao. On peut aussi torréfier des amandes, des noisettes, etc. Très, très intéressant. Merci, Steph. Et je me demande donc si en anglais, peut-être qu'il n'y a pas d'équivalent, parce qu'on dit roast, que ce soit pour faire rôtir une viande dans le four, que ce soit pour faire torréfier du café, on dit aussi roast. On dit roast dans tous les cas. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas d'équivalent en anglais. Bon. Je ne sais pas. Hein? Bonne question. On va rester dans le passé lointain avec les hommes des cavernes. Tu sais, on dit les hommes des cavernes, on se dit, ben, ils devaient vivre dans des caves, hein? On n'est pas caves, les hommes des cavernes, c'est vivant dans les caves. Mais justement, pas nécessairement. C'est un exemple de ce qu'on appelle le sampling bias, donc biaisé à cause de l'échantillonnage. C'est donc une façon biaisée de regarder seulement une partie de la vie de quelque chose pour définir et lui donner un nom. Ça dit que, dans l'article ici, que certains membres de la population donc qu'on regarde dans ce cas-ci ont moins de chances d'être inclus que les autres à cause des preuves qui en sont ressorties. Donc, c'est que les hommes des cavernes, ce qu'on connaît d'eux, c'est pas mal seulement les dessins qu'ils ont faits dans les cavernes. Ça veut pas dire que ces ancêtres-là ne dessinaient pas à l'extérieur des cavernes. Les dessins qui auraient été à l'extérieur des cavernes auraient été exposés aux éléments, évidemment, à l'eau et à un paquet d'affaires d'autres. Donc, ils auraient été lavés. Et bien sûr, quelque chose qui aurait été dessiné ou gravé dans un arbre serait aussi parti. Donc, on a gardé seulement l'élément caverne et on leur a donné donc le nom homme des cavernes, comme s'ils faisaient seulement ça de leur vie. C'est un peu réducteur. C'est ça. C'est juste un petit fait divers comme ça. Les peuples préhistoriques étaient associés aux caves, aux cavernes, parce que les données existent toujours. La plupart des langages qui sont parlés... en fait, il y a plus de langages qui sont parlés dans la ville de New York que dans n'importe quelle autre ville du monde. New York est une des plus grandes villes du monde, évidemment. 40% de la population de l'État de New York. Donc, on parle de la ville de New York. La ville, en tant que telle, a 8,4 millions de personnes et environ 23,4 millions de gens vivent dans le New York métropolitain. L'histoire de New York, l'historique, est définie par les immigrants qui sont arrivés aux États-Unis via Ellis Island. Un des résultats de cette grande diversité de gens-là, c'est le nombre de langages parlés à New York City. Il y a jusqu'à 800 langues qui ont été trouvées là-bas. 800! J'imagine qu'il y a certaines langues, il y a juste comme deux représentants. Probablement, et peut-être qu'ils vont mourir éventuellement, puis on va descendre ce chiffre-là à un moment donné. 799. 799. donc, anglais, c'est évidemment la langue la plus parlée, même s'il y a des endroits où 25% des gens ne parlent pas anglais dans cette ville-là. L'anglais est le moins parlé dans les quartiers de Flushing, Sunset Park et Corona. Selon un sondage de 2001 de Claritas, 4 des 5 boroughs de la ville, les boroughs, c'est comme des quartiers genre à New York? Comme les banlieues, non? Ça a un mot, mais c'est pas ça. Ouais. C'est comme un quartier. Bon. Bref, les boroughs, on les appelle pas mal tout le temps comme ça, sont parmi les 20 comtés les plus diversifiés du pays. Donc, Queens est en première place, Brooklyn en troisième, Manhattan en septième et le Bronx en 17e place. Avant qu'on amène les extincteurs de fumée, on les utilisait d'autres façons pour extinguer des feux. C'est ça? Les extincteurs de fumée sont utilisés depuis environ 300 ans. Ils ont vécu plusieurs transformations avec des nouveaux produits chimiques qui ont été découverts et amenés dans cet outil-là, différentes combinaisons. Avant ça, c'est ça, on a découvert que plusieurs trucs chimiques qui étaient utilisés dans les extincteurs de fumée étaient nocifs pour la santé des gens. Donc, à un moment donné, on a arrêté de les utiliser. Une des façons les plus intéressantes d'éteindre les feux pendant les premières centaines d'années, c'était les grenades pour le feu. Des grenades à feu. Le fruit? Non, vraiment pas. On lançait des grenades de produits chimiques. C'est une sphère de vitre remplie d'un agent d'extinction qui était supposé être lancé à la base du feu. L'appareil était surtout rempli de carbon tetrachloride. Certaines versions avaient aussi de l'eau salée. Et le carbon tetrachloride a arrêté d'être utilisé dans les années 50 à cause du fait que c'était toxique aussi. Donc, on a arrêté d'utiliser. Mais oui, c'est plate. Hein? Aujourd'hui, il existe encore des petites boules, des sphères. Il y a aussi d'autres façons. Je vais commencer par les autres façons. Plusieurs produits chimiques utilisés pour éteindre des feux. Donc, des agents secs, des mousses, des agents de nettoyage, CO2, des trucs comme ça. Et aussi une version moderne de la grenade. La version moderne s'appelle le Fire Extinguishing Ball. Et comme l'original, on la lance directement dans le feu. La boule va s'autodétruire en entrant en contact avec le feu et va... propager un agent chimique sec pour éteindre le feu. Ça couvre environ 5 mètres carrés. Un avantage de ça, c'est qu'on peut le placer un petit peu n'importe où, où on anticiperait qu'il y ait un feu possible. Donc, la sphère est déjà placée là. Et si le feu pogne, la sphère est déjà dans le chemin et éteint le feu, espérons-le. Ça va détruire tout ça sans avoir besoin d'être géré par un humain, si on... Intéressant. Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je vois vraiment ces grenades-là comme étant l'inverse du cocktail Molotov. Oui. Tu le lances, ça met le feu, c'est comme de la vitre qui pète, mais là, ça l'éteint. Si tu lances le truc, c'est comme un peu, tu sais, si tu lances les deux balles une contre l'autre, mettons, est-ce que ça va faire partir un feu puis l'éteindre en même temps? Ah, un cocktail Molotov avec une... Bon, on l'essaye. Bitbusters. Mid-bust-moi ça. le nom des gummy bears, on va falloir qu'on arrête éventuellement, mais c'est tellement intéressant. Le gummy bear moderne, le premier, on va reculer dans le passé un petit peu, le premier gummy bear classique a été inventé par un homme allemand nommé Hans Riegel. Hein? Donc, juste après avoir fondé la compagnie Haribo, Hans les a appelés les Tanzibur, T-A-N-Z-B-R-S, voulant dire un ours qui danse. Un autre nom était le Gummy Bear, G-U-M-M-I-B-R. On dirait qu'il manque des lettres là-dedans, ben dirait oui. Twitter ou quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire ours en caoutchouc. Et c'est là qu'on a pris le nom de Gummy Bear comme un ours gommant, mais ça vient pas de là. Ces bonbons sucrés-là ont presque été discontinués après la Deuxième Guerre mondiale. Parce non. Que oui, triste. Hein? Les ingrédients étaient rationnés pendant la guerre. Oh, ouais, et, le sucre. Le sucre, entre autres. Hans Riegel est mort ensuite. Sa femme a fait son mieux pour faire continuer la compagnie. Par contre, c'est ça. Ses deux fils sont revenus après avoir été prisonniers de guerre. Ils ont aussi aidé. Éventuellement, les ours se sont rendus jusqu'aux États-Unis. Ils ont été importés pendant plusieurs années, mais la demande était tellement élevée qu'on a commencé à faire des gummy bears américains. C'est arrivé en 1981. La même année, les gummy worms, donc les vers, ont été introduits par la compagnie Trolley. C'est devenu les gummy, certains des gummy les plus populaires au monde. Et l'idée était de faire des bonbons que les enfants allaient adorer, mais que les parents allaient trouver dégueulasses. Ah, pour ça, dès qu'il y avait des vers. Ben ouais. Hey, cool. Imagines-tu la vie aujourd'hui sans gummy bear? Non, dis-moi pas ça. C'est horrible. Horrible. Et imagine la vie sans ananas. Les ananas n'ont pas toujours été faciles à trouver, comme aujourd'hui. Même que c'était extrêmement rare à l'époque, à l'extérieur des pays tropicaux, c'était considéré comme un statut, comme un symbole de ton statut. Voilà. Ça a commencé avec Christophe Colomb, quand il était en train de faire son deuxième voyage dans les Caraïbes. Toujours en vacances, ce gars-là. Donc, quand on a entendu parler du fruit en Europe, plus tard, on a aussi ramené des échantillons et c'est devenu quelque chose de très, très recherché. Les fruits frais et le sucre étaient rares en Europe. Donc, ce fruit sucré avec une forme exotique a commencé à être extrêmement populaire. Les ananas, par contre, étaient tellement rares qu'un roi a même fait peindre un portrait avec lui et un ananas. Pour montrer comment c'était hot. En Amérique, les ananas sont, étaient aussi recherchés. L'habileté, donc la capacité pour une hôtesse ou un hôte de trouver un ananas était important lors d'un événement, lors d'un souper, d'un rassemblement. Ça disait quelque chose sur son rang et sur sa débrouillardise parce que c'était difficile à trouver. La plupart finissaient par pourrir avant de se rendre aux colonies. Donc, on pouvait pas les manger. Pauvre petit ananas. Oui, pour les rendre plus disponibles, les ananas ont été loués à une certaine époque, on louait des ananas pour les parties. Et ensuite, on les revendait à des clients plus riches qui les mangeaient à toute fin. Souvent, on allait couronner une assiette ou une table de fruits et de nourriture en plaçant l'ananas au sommet sur le reste. Mais voyons donc. C'est cool, hein? Louer un ananas. Mouais. Mouais. C'est pathétique. À ce temps, on les achète en canne. Ben, c'est ça. Yes, we can, comme on dit. On dit pas vraiment ça. Voilà pour... c'est un fait qu'on est tout le temps long. Hein? Tout le temps. Mais tout le temps, super intéressant. Ben oui, j'aime ça faire ça. C'est un fait, on fait ça en début d'émission. Je pense que je sais pourquoi les ananas, ça donnait un statut important. Ça donne ananas. Ils ont comme une petite couronne sur la tête. Oui. Ça, c'est sur la peinture, un roi avec sa couronne, l'ananas avec sa couronne. Ben oui, c'est comme un prince. Voilà, voilà. Bon, on va être du pour une pause, je pense, à ce moment-ci. Hein. Ben, pause. Pourquoi pas. Et on vient avec le bloc pub. Ça aussi, ça va être long. Ben, je mangerai de l'ananas. Ah, ben... semaine prochaine. Est-ce qu'on se donne comme défi quelque chose avec un ananas, tu sais? À saveur d'ananas. Un ananas, peut-être? Non, il faut quelque chose qu'on n'a jamais goûté. C'était... à l'ananas? À l'ananas? À la nanana. Ça va faire tard. Non. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Vous êtes toujours Assemblage requis avec Stéphanie Paradis. Et Mathieu Plan. Oui. Une chronique qu'on n'a pas fait depuis un maudit bout, là, et ça me manque, et j'ai accumulé plein d'affaires, donc on va essayer de déclencher pour après ça être à jour pour pouvoir la refaire la semaine prochaine, un petit peu moins longue. La même? C'est même pas la même, non. Une autre, toute okay. autre chronique, c'est ce qu'on appelle le bloc pub. Venez au beau marché. Oui, papa. Tout le monde aime the Greenland. Je le goût de Burger King. I love you and I kiss you. 4,99 la minute. Ah, es-tu fine, hein? C'est de la pub où Steph est en train de manger. Qu'est-ce que tu manges, Steph? Quoi? Qu'est-ce que tu manges? Un moignon d'ourson. Ah, c'est le fun. Donc, c'est le bloc pub où on parle de marketing, en fait, plus que juste de la publicité. Et le but, c'est pas de vous montrer 1000 pubs. On est à la radio. Donc, allons-y, plus des concepts publicitaires pour commencer. Et un petit bloc thématique sur Coke. J'ai ramassé des nouvelles depuis la fin du mois d'avril, donc mai-juin, de ce que Coke a fait. Commençons avec une arcade qui accepte les bouteilles vides à la place de la monnaie. Hein? C'est quand cool, même une ça. Bonne idée. Est-ce que les gens recycleraient plus si le processus était amusant? Coca-Cola et l'agence Grey Dhaka essaient de répondre à la question en plaçant 6 Happiness Arcade à Dhaka au Bangladesh. Donc, c'est pas des machines pour donner de la liqueur. À la place, c'est le contraire. On accepte les bouteilles de liqueur vide et on récompense l'utilisateur avec un jeu de Pong style en retour. Donc, c'est un petit jeu vidéo. Oui, c'est parfait, ça. C'est vraiment super bien fait. En plus, le projet donc a ramassé des milliers de bouteilles à 6 endroits. Bon, ça n'a pas un énorme impact sur la planète, surtout pas un endroit comme le Bangladesh, mais la marque croit que l'effort a quand même aidé à ce que les gens se rappellent de recycler leurs bouteilles de liqueur. C'est une des choses les plus plates à faire, je trouve, dans une semaine, d'aller porter ces bouteilles. Il me semble, c'est plate, mais il faut le faire. Ben oui. Puis en même temps, t'as un petit retour, une nanane, une 25 cents. Ouais, des fois, quand ça paye ton épicerie, tu te dis, j'aurais dû te faire avant, peut-être que j'en avais trop. Exact. Si seulement, si ça paye au moins la prochaine caisse de liqueur, moi, c'est déjà gagnant. Peut-être pas l'épicerie au complet. Ouais, faut que t'en amènes pas mal. Pas mal. Donc, allez voir la petite vidéo de comment le jeu fonctionnait. Évidemment, le jeu de Punk, c'est avec des bouteilles de Coke sur les côtés, puis tu contrôles une petite balle blanche. Toujours au sujet de Coke, qui a fait de très bonnes cascades depuis les derniers mois. Donc, ici, on parle de Happy Cycle, qui dans ce cas-ci est un désastre total. La publicité nous demande, nous dit, un Coke coûtait 5 cents dans le temps. Hein? Et si un Coke de 12 onces coûtait 140 calories? deux choses qui n'ont aucun rapport ensemble. Hein? Ça n'a aucun rapport ensemble, on essaie de les associer. C'est qu'une personne de 140 livres devrait faire du vélo pendant environ 23 minutes en moyenne pour brûler l'équivalent de calories qu'ils ont consommées dans une canette de liqueur, selon la publicité. Bien sûr, 140 livres, c'est seulement 56 livres de moins qu'un Américain moyen et 26 livres de moins que la femme américaine moyenne. Donc, on prend vraiment des gens beaucoup trop maigres pour essayer de dire que 23 minutes de vélo pour cette personne-là allait le faire dépenser ses calories. Donc, c'est un monde, je sais pas dans quel monde vit Coca-Cola, des gens beaucoup trop en forme, beaucoup trop minces, qui grimpent sur des vélos stationnaires devant une foule et suent pour se mériter une canette de Coke et remplie de sucre. Donc, la science qui mène absolument nulle part, c'est juste un mauvais concept. Ça dit par contre, à la fin, le mouvement, c'est le bonheur. Movement is happiness. Donc, au moins, on essaie quand même de faire bouger les gens, mais c'est pas en leur mentant, en leur disant que 23 minutes de vélo va vous faire perdre l'équivalent de votre canette que vous allez avancer la cause, n'est-ce pas? Oui, mais en fait, plus t'es pesant, plus tu vas les brûler vite, tes 140 calories. Donc, ça prendrait moins de 23 minutes? En théorie, okay. Oui. Bon, au moins. Pour le même effort, tu vas les brûler pour le même effort. En fait, peut-être pour la même vitesse, ça te demande plus d'effort si t'es moins en forme, si t'as plus de poids à déplacer, si on veut. Donc, ça prendrait moins de temps, en théorie. Mais en pratique, n'est-ce pas qu'une personne avec plus de poids boirait plus qu'une canette à la fois de coke? Malheureusement, non. Ben, des fois, il va se verser un 2 litres, un gros verre, après ça, il va faire un tirifil. Fait que tu sais, ça finit par se... Ouais, mais regarde, là, moi, je pèse plus que 140 livres, puis je bois pas de coke. Fait que ça a peut-être pas rapport, là. Non. Je vais manger d'autres choses. Exact. Mais en tout cas, je me demande quand même si la publicité est une bonne chose. Je pense que c'est peut-être pas nécessairement la façon de convaincre les gens de faire ben, ça. Ben, je trouve que non. J'en dirais que le concept mène nulle part. Exact. Coca-Cola, encore une fois, a construit des mini-kiosques pour vendre des minuscules Coke. Donc, on nous dit que c'est les petites choses dans la vie qui nous rendent heureux. C'est le message à l'imprimer dans les publicités extérieures pour Coca-Cola de la part de Ogilvy et Mather à Berlin. Donc, Ogilvy a placé ses mini-kiosques dans 5 villes allemandes majeures. Ils ont vendu des mini-canettes de Coke. C'était le but de la chose. Et différents autres produits miniatures. Ils avaient même une petite machine distributrice. Le kiosque vendait en moyenne 380 canettes minuscules par jour. Et Ogilvy dit que 278% plus de canettes ont été vendues que dans une machine normale de Coke, mais on s'entend que c'est des petits formats. C'est cute! C'est vraiment super mignon. Mais c'est ça, encore une fois, ça veut absolument rien dire. Juste pour avoir de la mini canette, je l'achèterais. Pour vrai. Ouais, même à Noël, des fois, j'achète les petites boules, les canettes en. Ben, les bouteilles en boule. Ouais, juste parce que c'est cute. Parce que c'est cute. Je les bois même pas souvent. Ouais, tu m'étonnes. Moi, ouais, c'est ça. Mais c'est parce que je me dis que ça doit dater de là 2-3 Noël. Ah, oh, ben, on me regarde la date. C'est ça que je devrais faire. Toujours dans le domaine de Coca-Cola, je vous ai dit que c'était un bloc thématique. Le BioCooler, c'est un. Pas une machine distributrice, mais si on veut un dispenser, mettons que ça laisse tomber les canettes, qui n'a pas besoin d'électricité ou de batterie pour opérer. Donc, l'unité développée par Leo Burnett Columbia et l'International Physics Center de Bogota utilise deux méthodes de refroidissement basées sur des vieilles technologies. Donc, en mettant de l'eau sur les plantes au-dessus de l'appareil, ça va produire de l'évaporation. Et puis un miroir au sommet va être utilisé pour convertir le gaz en liquide à l'intérieur du cooler. Donc Coke dit que le cooler fonctionne mieux plus il fait chaud. Et la marque a choisi de montrer ça à Aipir en Colombie, là où les températures vont jusqu'à 115 degrés Fahrenheit. Les résidents voyagent jusqu'à 12 heures pour aller chercher de la glace dans ce pays-là, dans cet endroit-là. Donc Coke essaie de faire que les gens se sentent mieux en leur donnant du Coke. Hein? Donc évidemment, les gens se posent la question si c'est un petit peu crasse peut-être de donner à une population qui a de soif d'eau du Coca-Cola. Mais bon, quand ouais, même. Oui, mais il faut pas que tu arroses tes plantes sur le dessus pour. Ben, c'est ça. Donc, il faut que tu ailles chercher de l'eau. Il faut que tu ailles peut-être chercher ça loin pour venir mettre de l'eau. Ben, ça, en même temps, peut-être qu'il mouille aussi une pour fois. Pour boire temps du temps. Coke. Pour boire du Coke. Mais c'est ça. C'est comme Coke essaie de donner un luxe moderne à quelqu'un, alors que c'est d'habitude plus difficile de s'en procurer. Coke aussi qui a inventé celui-là, vous l'avez peut-être vu passer, 16 bouchons de bouteilles pour changer les bouteilles de Coke en objets utiles. Donc ça s'appelle Second Lives. C'est vraiment le fun. Donc ça transforme une bouteille de Coke en quelque chose d'utile. Donc ça peut devenir un squirt gun, donc un petit fusil qui squirt de l'eau. Un fusil à eau, c'est ça. Un aiguille crayon, oui. Un petit hochet pour bébé. Des trucs comme ça. C'est vraiment Il y a même un petit truc pour faire des bulles. Oui. Distributeur à savon. Un dumbbell, une dumbbell, un truc de poids. Là. Tu peux remplir ta bouteille de coke et ça va devenir un poids pour peut-être éliminer les calories que tu viens de dégurgiter. Donc, créé avec l'aide de Ogilvy et Mather en Chine, la campagne a donc 16 différents bouchons qui peuvent être vissés sur les bouteilles lorsque vides. Tu peux faire, il y a un pinceau aussi pour des toiles, des trucs comme ça. C'est cool. C'est vraiment le fun. Super intelligent. Donc, pour encourager les gens au Vietnam de faire du recyclage. Et c'est un gros succès de leur part. Et ils ont donné 40 000 de ces bouchons modifiés-là en 16 variétés. Donc, on ne sait pas si les bouchons en tant que tels sont faits de matériaux recyclés. Mais au moins, ça vous permet de recycler vos bouteilles de coke en tant que tels. Hey, tu peux mettre du ketchup. Des publicités pour adopter un chat. Est-ce que tu savais que le mois de juin est le mois de l'adoption des chats? Non. Il reste encore quelques jours. On est le 26 en direct. Donc, quelques jours encore pour adopter votre chat à une place qui va sauver la vie de chat et non pas juste... juste acheter un chat animal. Ouais. Donc, c'est le Adopt Cat Month de la American Humane Association. Les chats sont assez vieux pour aller à de nouvelles familles. Donc, certains chats qui sont nés au printemps, oui, sont rendus assez vieux pour être adoptés par de nouvelles familles. J'ai pas lu le début de la phrase. Donc, c'est ça, lire la phrase au complet. Donc, on essaie d'aller encore plus loin pour attirer votre attention et donc offrir des aux membres des rabais sur les chats. Donc, ici, c'est des affiches. Par exemple, le chat ici dit, et je cite, « Chaque matin, mon humain rase sa fourrure. » Il est bizarre, il me semble. Sa fourrure de face. Sa fourrure de face, c'est encore mieux. C'est cute, hein? Donc, c'est en 2012, le Shelter Pet Project qui a fait cette campagne publicitaire-là. En changeant les chats en humoristes. Il y avait aussi des petites vidéos, vous pouvez aller voir. Il y a Downton Tabby. Comme Downton Abbey. Non, ça, c'est de mauvais goût. C'est peut-être de mauvais goût. C'est tellement laid. L'Angelical Cats Rescue de New York qui a fait ça. Il y a ici une image style site web des années 90 ou encore dans le présent en Afrique, si on veut, parce que c'est Go Côte d'Ivoire. C'est les chats qui encouragent la Côte d'Ivoire au soccer. Donc, c'est un chat devant une équipe de soccer. Celle-là ici, c'est le Seattle Animal Shelter qui offre des chats adultes pour un très bas prix de 5$ qui couvre tout ce qui est la vaccination, toutes les affaires, les tests, une micro-puce implantée dans le chat, deux cannes de nourriture pour chat, tout ça pour 5$ en 10 ans. Elle a 9 vies et aucune de ces 9 vies devrait être passée dans un shelter ou une place, un abri à chat. Wow. Là, c'est ça, tout ce qu'il y a de plus triste. Donc ils vendent ça pour 5$. T'as des chats, ça c'est vraiment, je la trouve drôle celle-là. On vend un chat comme si c'était une voiture. Donc, chat pré-utilisé, genre usagé, si on veut, certifié, de 6 mois et plus, 25$ entre le 23 et le 28 juin. De toutes les marques, tous les modèles. 4-paw drive, donc 4 pattes motrices. Garantie de 100 000 ronrons. Fabriqué en Iowa, meilleur que neuf. Testé, complètement inspecté. Et un paquet d'affaires de voitures. Ah, c'est très drôle. C'est la Boone Area Human Society. Il y en a plein d'autres, donc allez voir ça. Je laisse le reste sur assemblagerequis.com. Il y a une agence qui a installé un gros panneau publicitaire et ensuite l'a brûlé en espérant que les vues sur YouTube vont compenser pour ça. Donc, c'est une cascade pour montrer comment c'est important la saveur du saumon fumé. C'est les frères Joe et Gav de Sealer's Smokehouse qui, donc, eux, d'habitude, font du saumon fumé. Avec Sachi et Sachi en Nouvelle-Zélande, ils ont amené un gros panneau publicitaire fait de branches de bois Manuka. Parce que ça fait beaucoup de fumée, cette sorte de bois-là. Ils ont mis ça en feu. La cascade était, dans le fond, une redirection vers leur page YouTube pour pouvoir montrer quand c'était brûlé. Parce que, dans le fond, la pancarte en tant que telle est en train de brûler. Il n'y a pas grand monde qui l'ont vu. Mais ensuite, on l'a vu sur YouTube. Seulement quelques centaines de hits jusqu'à maintenant. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Peut-être un gaspillage de matériaux. Mais l'idée est bonne pareil, non? Oh, je sais pas, je trouve que c'est beaucoup de trouble pour rien. 1671, en date d'aujourd'hui, c'était mis en ligne le 4 juin, puis on est rendu à la fin du mois. Ah, mais juste, je viens de la regarder. C'est pas grand-chose, hein? Il y a l'air bon, le saumon. Donc, ça a monté de une ça que tu voulais dire. Moi, c'est ça, okay, moi, je viens de la regarder, okay. Fait que... Good. Mais le saumon, il a l'air bon. Ouais, moi aussi, je trouve ça. Je suis aussi en train de la regarder, donc deux de plus pour eux, mais pour vrai, c'est pas très rentable pour eux. Mais peu importe, moi, ça me donne pas le goût de manger du saumon qui non? brûle. Moi, montre-moi du saumon. Ouais. Puis ça me donne le goût d'en manger. Ben oui. Ça finit là. C'est ça, exactement. Attendre en file, c'est quelque chose d'ennuyant d'habitude, hein? On sait. Mais ici, une compagnie, une agence australienne, Clemenger BBDO, essaie de rendre ça un petit peu plus sympathique, d'attendre pour avoir une délicieuse collation de Fantastic Delights. Donc, les magasineurs, les gens qui étaient en train de magasiner, se sont fait demander de se mettre en file pour une très longue période de temps, même s'il n'y a personne devant eux, donc ils devaient quand même passer à travers le labyrinthe pour avoir leur Fantastic Delights Curls. Après les avoir fait attendre et après avoir navigué dans un labyrinthe dans un centre d'achat extérieur, le scénario a été répété sur une patinoire et aussi dans une genre de mare. C'est la campagne How Far Would You Go qui existe depuis quelques années, qui a généré quelques vidéos virales sur Internet. Donc c'est ça, c'est aussi simple que ça. C'est une très très longue file d'attente, un peu comme à la banque ou à la caisse avec des poteaux puis des rubans, c'est ça. Et tu dois vraiment naviguer à travers tout ça pour aller un jour te rendre, même s'il n'y a personne devant toi, il faut que tu fasses le tour. On dirait que je comprends pas. Pour un sac de friandises salées, est-ce que tu le ferais? Non. Non, c'est ça. Non, tu vas aller l'acheter toi-même. Mais c'est gratuit. Ça dépend combien de temps tu me fais attendre, mais non. Maintenant, les barbes, est-ce que c'est quelque chose qui t'attire, les barbes? Je sais déjà la réponse. Les barbes, en général? Oui, ben c'est ça. Il y en a qui veulent éliminer les barbes, comme la compagnie Chic. Évidemment, une compagnie de rasoirs. Une compagnie de rasoirs comme Gillette et Chic, ce sont les deux gros en ce moment, ils essaient de vous convaincre que les barbes, c'est sale. Que les hipsters, c'est pas bon. C'est qu'il faut être le plus mainstream mouton possible et il faut se raser pour avoir leur propre. C'est ce que les deux compagnies essaient de nous dire en ce moment. Exactement, je suis d'accord avec toi. Grosse merde. En plus, ça se lave. Poil de face. Oui, OK. T'es pas sale parce que t'as du poil d'en face. Non, mais des fois, le gras de ta peau sur... Oui, t'en as des cheveux aussi. Ben, t'as du poil sur la tête. Faudrait 100% nu pour Chic. Donc, Y&R New Zealand, transforme des barbes en des animaux mignons pour la campagne de Chic Free Your Skin. C'est complètement anti tout ce qui est masculin, viril comme une barbe. Les observateurs, ici, pourraient voir que Chic, c'est ça, parle contre les hipsters. On essaie de trouver peut-être une place. Les gens de nos jours, en 2014, sont peut-être tannés un petit peu d'entendre parler des hipsters, avec leur, un peu comme on a parlé tantôt, le look soulier bien ciré, chemise propre et cheveux laser. C'est pas tant hipster. Il était hipster, pas mal, ça. Ah, OK. Donc, Y&R a créé ces publicités-là où on voit vraiment les photos, c'est des hommes avec une barbe et la barbe, par-dessus, on a ajouté un animal, par exemple un paresseux, un écureuil, des trucs comme ça. Une loutre et non pas une otarie. Et c'est quand même assez bien fait parce qu'on essaie d'accoupler la couleur des cheveux du gars, comme mettons ici, il est très, très, très roux orangé, avec un animal qui est aussi roux orangé. C'est sûr qu'il y a plein de manipulations d'images là-dessus, mais c'est vraiment très, très réussi. Donc, allez voir les photos sur assemblagerequis.com. C'est bon, ça me donne le goût d'avoir une barbe. Oui, c'est vrai, ça. C'est le fun, les barbes. C'est le fun, on peut les nourrir, les flatter. C'est beaucoup moins d'entretien, en tout cas, que d'acheter des... Et de toute façon, moi, si j'achète un rasoir, jamais ce sera un Chic, parce que moi, on dit que c'est la pire affaire au monde, Chic. J'aime pas ça. Ah, et en plus, une barbe, t'as pas besoin de changer sa litière. Ah, c'est vrai. Même. Est-ce qu'il y a d'autres avantages? T'es un peu conscient. À une barbe comparativement à un chat? Sur YouTube, des fois, tu arrives sur une vidéo sur YouTube et ça va te dire que tu peux pas le lire au Canada. Dans ton pays, c'est pas disponible. Y a-tu quoi de plus frustrant que ça? Non. Non. Ben justement, on a essayé de capitaliser là-dessus pour promouvoir les vols vers la France pour les Belges qui parlent français. Via Brussels Airline avec l'aide de BBDO en Belgique, on a utilisé le contenu bloqué pour se rendre au but de vendre les billets d'avion. Donc, 40% des gens qui parlent français en Belgique regardent les émissions de télé qui sont diffusées en France et non diffusées en Belgique. Un peu comme ici, on va écouter des émissions américaines ou des trucs comme ça sans écouter le contenu québécois autant qu'on pourrait. Donc, les gens qui manquaient un épisode de leur émission de télé préférée pouvaient aller la regarder en ligne, mais il y a des endroits où on ne peut pas le faire. Comme en Belgique, il y a des vidéos qui sont bloquées. C'est marqué « Ce contenu n'est pas disponible dans votre pays ». Donc, Brussels Airlines a utilisé cette situation-là pour afficher des publicités en disant aux Belges « Allez là où votre contenu est disponible, volez jusqu'en France via Brussels Airlines ». Génie! OK, c'est brillant! Ben oui! Quand tu as cliqué dessus, évidemment, tu vas pouvoir être booké un vol. Et le contenu bloqué, les bannières ont réussi à avoir un click-through rate, ce qu'on appelle donc les gens qui ont vraiment cliqué sur la pub, de 14,58%, ce qui n'a pas été vu depuis 1994. Donc, un bon click-through. C'est rare que les gens cliquent sur les pubs dans la vraie vie. T'sais. Ben non, pour vrai, honnêtement, c'est parce que tu n'as pas fait exprès souvent quand tu te ramasses sur le site. Et là, dans ce cas-ci, probablement que c'est par exprès parce que tu vas pouvoir aller en France pour pas cher. Intéressant! Même genre de principe, un genre de fake-out, il n'y a rien de plus difficile qu'attendre après quelque chose. Là, on vient de dire, attendre après une vidéo qui ne se présentera jamais parce que c'est pas disponible dans le pays. Attendre après un sac de chips quand il n'y a pas de file d'attente. Exactement. Ou encore attendre qu'une photo se télécharge sur Instagram. Tu sais, les jeunes de 15-16 ans qui ont hâte d'avoir une photo de top modèle sur Instagram, puis là, ça apparaît pas. C'est là-dessus qu'on a capitalisé chez BBDO Moscow and Russian Telecom. Peu importe le nom des compagnies. MTS, une compagnie de téléphone russe. On collabore. MTS, ouais, c'est bizarre. Pour essayer de confondre leurs utilisateurs de en fait, les visiteurs du Instagram de Victoria... J'ai quelque chose dans mes lunettes. Ah, c'est intéressant. Non, c'est que je suis pas capable de lire. Mais voyons. Sérieusement? Ouais, ça me shakeait dans l'œil. Bon, donc... Pour vrai, c'était comme... Donc, sur le compte Instagram de Victoria Banya, Alena Vodonaeva et Anna Sedokova. Donc, on a trollé le monde. C'est que ces vedettes-là sur Instagram postaient des photos avec comme hashtag sexy, huilé, moi-même, hot, naked, tu sais, tout nu, etc. Guys, red, latex, ass. Et un paquet d'affaires comme ça, un paquet d'hashtags super appropriés. Ou inapproprié. Et la twist, c'est que les photos ne se présentaient jamais parce qu'on a pris une capture d'écran du chargement d'une photo sur Instagram et c'était ça la photo. Quand même pas pire. Hein? Et donc, les top modèles ont ensuite tweeté ou genre Instagrammé plus tard des messages de publicité pour le nouveau service 4G de la compagnie MTS, s'excusant donc pour les fausses attentes ou d'avoir menti aux gens. C'est une publicité dans le fond pour la bande passante pour le réseau 4G d'une compagnie de cellulaire. C'est fort, hein? C'est très, très, très drôle. J'adore ça. Si tu suis la bière Newcastle Brown Ale sur Twitter, peut-être plus maintenant, mais il t'envoyait 1$ par chèque. C'est une compagnie de bière. Un chèque d'une pièce. Une compagnie britannique. Je serais gêné d'aller déposer ça. Une compagnie de bière britannique donc qui essaie de faire parler d'eux et ça fonctionne. Donc, ils ont dit qu'ils allaient donner aux 50 000 premières personnes qui les suivaient sur @Newcastle la somme de 1$. Ce qu'on avait à faire, c'est visiter le followNewcastleOnTwitter.com. Je cite « Pourquoi est-ce que les gens devraient endurer du marketing non sollicité de la part de n'importe quelle autre bière gratuitement alors qu'ils peuvent suivre Newcastle et recevoir de la publicité non sollicitée et se faire payer? » Le pire, on s'entend que si c'est aux 50 000 premiers, c'est quand même 50 000 $ d'investis là-dedans. C'est ça paraît pas, mais pour eux, c'est quand même sûrement un gros montant. C'est pas une énorme. En tout cas, peut-être Newcastle, c'est peut-être gros. Je sais pas, je connais pas. Mais je connais pas la bière du tout. Donc, c'est ça, la marque a envoyé par courrier un vrai chèque en papier de 1$. Et c'est évidemment des chèques avec le logo de Newcastle pour faire encore plus de pub. La cascade a été orchestrée par Droga 5, s'appelle Follow the Money, suivi-la. Mm-hmm. Un panneau maintenant qui flotte et qui nettoie une rivière polluée en absorbant les toxines. C'est une compagnie de produits cosmétiques naturels japonaise, Shokubutsu Hana et la compagnie publicitaire TBWA SMP ont fait flotter une idée genre non conventionnelle, si on veut, dans les eaux de la Philippine pour aider à nettoyer la rivière Pasig. Dans la ville, je crois, ville de Manila. Donc, c'est un panneau publicitaire de 88 pieds de long, fait de vétiver, qui est un gazon qui absorbe les toxines mortelles. Donc, le vétiver qui est souvent utilisé pour traiter les eaux salies, si on veut. Et le panneau publicitaire pouvait nettoyer jusqu'à 8000 gallons par jour d'eau. Sur son site web, Shokubutsu Hana dit que l'effort représente la croyance de la compagnie en les produits de beauté. Attends un peu, j'essaie de traduire la phrase ici. Healthy beauty, donc la beauté... comment dire? Ben, pas santé, mais c'est saine, c'est ça. Et les pouvoirs de restauration... de la nature. Et quand même que ça, c'était dur à traduire cette phrase-là, ça n'a même pas d'âme. Donc, un concept similaire a eu lieu en Philippines, aux Philippines il y a 3 ans. Coca-Cola et le World Wildlife Fund qui avaient créé un panneau de 60 pieds par 60 pieds qui était couvert de plantes de thé fukien qui aidaient à absorber la pollution de l'air dans les arbres. Ah, c'est intéressant. Donc, bonne idée dans les deux cas. Une compagnie de voitures qui hypnotise ses chauffeurs, ses conducteurs pour les faire aimer leur voiture. C'est croche. Ben, c'est croche, mais tu vas voir que c'est moins croche qu'on aurait cru dès le départ. C'est une compagnie allemande, Opel, qui n'est pas un nom très connu aux États-Unis, mais en Europe, c'est quand même synonyme de voiture très, très ennuyante, plutôt nulle et même voiture de merde, nous dit-on dans l'article. Donc, c'est des mots qui viennent directement de la bouche des consommateurs, des clients, dans la publicité qui est diffusée donc à la télé, que vous pouvez retrouver sur assemblagerequis.com, pour prouver que les idées préconçues de sa marque, c'est ce qui faisait que les opinions étaient négatives. Donc, ça cause des notions préconçues là, que les gens ont une opinion négative et non pas à cause des voitures. Opel a engagé un mesmer, voilà, pour vider les têtes des gens, des associations qu'ils avaient déjà par rapport à cette compagnie-là qui est sous General Motors, donc dans une campagne danoise de Uncle Grey. Une fois hypnotisés, les sujets se faisaient demander de conduire une de ces voitures-là et de dire honnêtement ce qu'ils en pensaient, et les gens avaient l'air de préférer ou d'aimer leur temps dans la voiture, leur séjour dans la voiture, alors qu'ils ne savaient pas ce qu'était Apple, alors que les gens qui savaient c'était quoi Apple, eux avaient une opinion négative à cause des notions préconçues. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est une bonne idée, hein? C'est très intéressant. Ça me fait un peu penser aux annonces de Fabrice. Oui, c'est vrai. Qui émettent dans une voiture, les yeux bandés, puis dis-moi ce que tu penses que ça sent. Tu fais ça? À peine. C'est marqué en bas, pas les acteurs, genre. Ouais, ouais. Hein? Ouais, non, c'est ça. Ouais. Ben, c'est parce que tu les as pas payés, hein? C'est des bénévoles. tu leur as donné un char, j'imagine. un journal mexicain qui offre des nouvelles, donc des breaking news, via un distributeur de serviettes pour les mains. C'est un journal mexicain gratuit, Mas por Mas, qui a récemment arrangé, hacké un distributeur de serviettes de papier dans des bureaux, des centres d'achat, des toilettes de cinéma autour de Mexico City avec des imprimantes Wi-Fi. Et quand les gens allaient chercher une serviette de papier, les machines crachaient des breaking news de Mas por Mas sur chacune des feuilles. Il y avait des codes QR qui ramenaient les gens vers le site web du journal gratuit où chaque unique... en fait, c'est-à-dire que chaque visite unique... Mais en fait, non. Les visites uniques ont augmenté de 40% en deux semaines grâce à cette machine-là. Donc, les gens ont vraiment scanné le code QR, ce que je pensais que personne n'avait fait de sa vie. Mais apparemment que dans certains pays, ça fonctionne, les codes QR, là, encore aujourd'hui. Mais quand même, non, tu vas te laver les mains, tu te sèches ça, puis un petit article de journal pour lire un peu. Ouais, puis, sauf que là, t'as les mains trempées, puis t'as rien pour t'essuyer les mains. Ouais. Moi, je préférais qu'ils mettent ça à ma disposition puis tu vas aller chercher une... Non, pas toutes. Pas toutes. Tu vois, c'est ton téléphone. Non. Non. Ben, c'est ça. En effet, ça n'a pas l'air de pouvoir... Je pense pas que tu puisses te sécher les mains avec cet article de journal. Mais c'est sûr que la première fois, tu te dis, oh mon Dieu, mais c'est quoi? On va regarder. Ouais. Mais ça marche une ou deux fois, selon moi. Ouais. La curiosité doit passer quand même assez vite. Ben, j'essaie de le mettre à plein d'écran pour voir... parce que l'image n'est pas de super bonne qualité. Est-ce que c'est imprimé sur du papier... Papier à main? Ben non, je pense pas. Non, je pense pas non plus. Mais c'est dur à dire sur le vidéo. La vidéo. Les employés d'Axe. L'Axe, ça, c'est évidemment le parfum... Désodorisant. Désodorisant et autres produits pour les cheveux et pour le corps. Donc, la marque essaie de convaincre les gens... En fait, comment l'expliquer? C'est dans le fond, les cartes d'affaires des employés de chez Axe contiennent le parfum de sueur de la personne dont la... Ah, les phéromones. Des phéromones, exactement ça. Donc, sur ta carte d'affaires, t'as ta propre odeur. C'est des Pheromone Business Cards créés par Union à Toronto. Ça montre donc les associés de chez Axe, qu'on appelle souvent les bros. Donc, ils vont faire de la sueur dans un bandeau pour la tête et les techniciens de laboratoire vont distiller leur jus corporel en une solution concentrée et vont ensuite intégrer ça dans une carte d'affaires qui va déclarer, dans le fond, que la carte d'affaires est « infused with the essence of Kyle », donc contient l'essence de Kyle, mettons, ouais. L'employé de chez Axe. Puis ça donne quoi? Absolument rien. OK. C'est une tactique de marketing pour essayer de vendre. Mais parce que ça doit coûter tellement cher pour rien. Tellement. Imagines-tu, ça doit coûter cher, là, isoler les phéromones puis les infuser avec des guillemets dans la carte. Mmh. Ah. Mais pas sûr que la sueur d'une personne est la chose la plus attirante. Ragoûtant. Ah, c'est ça. Moi, personnellement, j'aime pas l'odeur typique du swing, tu sais. Ben, ouais, non, non, mais c'est pas ça, c'est avec des bactéries, là. J'imagine que la sueur en tant que telle, ça sent rien. Non, c'est ça, exact. Ouais, ouais. Ouais. Mais est-ce que tu penses que dans la carte, est-ce qu'ils mettent un petit peu de Axe pour comme donner l'odeur de ce que Kyle sent quand il porte du Axe ou est-ce que c'est vraiment l'odeur typiquement de Kyle? Ça? Moi, s'il y avait l'ajout du Axe, peut-être qu'au moins ça sentirait meilleur. Parce que c'est ce que Kyle sent en permanence. Ça donnerait absolument rien. Non, parce que la personne... Tant qu'à ça, mais juste du Axe. Non, c'est que, mettons, là, tu sens quelque chose quand tu viens rencontrer ton client pour lui donner ta carte d'affaires. Et quand tu lui donnes ta carte d'affaires, là, ça sent ce que le gars sentait avec son Axe. Tu comprends ça? Quand il s'en va, l'odeur reste. Alors ça, là, une publicité sexiste. On voulait vous une enveloppe. C'est Heineken qui essaie de distraire les femmes avec une vente de souliers pour que les hommes puissent regarder le soccer en paix. Ouais, sexiste, dis-tu. Ben ouais. Donc, Heineken a organisé une grosse vente de souliers au Brésil il y a quelques samedis de ça pour que les femmes se rendent là-bas et laissent leurs copains et leurs maris en paix pour regarder les Champions League Final entre Real Madrid et Atlético de Madrid. Donc, les souliers pour femmes étaient disponibles à 50% de rabais, jusqu'à 50% de rabais dans les magasins Shoestock. Whedon and Kennedy, Sao Paulo, a eu cette idée-là. Et Heineken, dans un communiqué de presse, disait que c'était complètement juste pour le plaisir et que ça allait générer des conversations. Oui, les deux sont vrais, mais pas nécessairement des conversations positives au sujet de la marque. Bah. Je sais que t'es pas très féministe, mais en tant que tel, on s'entend que ça, c'est comme le summum du féminisme, de l'anti-féminisme. De dire. Ça a juste pas sa place. Les restaurants Arby's, qui vont, ben, en fait, qui ont passé une publicité qui dure 13 heures à la télé pour montrer quelque chose se faire cuire en temps réel, un brisket. Je me rappelle pas c'est quoi un brisket, là. Je crois que c'est une sorte de viande. Ben, c'est ça, c'est chez Arby's, la chaîne de fast-food, a brisé un record pour faire la promotion de son Smokehouse Brisket Sandwich. Voilà un sandwich où les téléspectateurs étaient capables de regarder la viande se faire préparer en temps réel, très, très tranquillement, dans un fumoir du Texas pendant plus de 12 heures. La publicité a été diffusée sur une seule station à Duluth, dans le Minnesota. Selon le New York Times, la publicité commence avec le brisket qui est amené sur le fumoir, équipé d'une lumière interne. Ensuite, ça reste là, ça cuit pendant beaucoup trop longtemps. Finalement, une demi-journée plus tard, les téléspectateurs qui étaient toujours à l'écoute voyaient le bras d'un chef de chez Arby's, Neville Craw, enlever le brisket, le trancher et mettre ça dans un sandwich avec un petit peu de gouda, d'oignons frits et de sauce barbecue. Oh, wow! La publicité a commencé à 13h heure centrale un samedi récent sur une chaîne affiliée au réseau My Network TV, My9. Et ceux qui étaient à l'extérieur de Duluth pouvaient le regarder une seule fois en temps réel entre 9h du matin et 10h le soir, 22h heure de l'Est le mercredi 28 mai. Donc c'était le mois passé. Et ils ont le record Guinness qui était avant ça détenu par Nivea pour une publicité de seulement 60 minutes en Suisse en 2011. Wow! Ils se sont fait rentrer dedans. 13h. Ouais. Non, mais ça a dû coûter cher. Non, mais c'est vrai, pour acheter une plage horaire ben, comme ça. C'est pour une station locale qui a sûrement rien de mieux à diffuser que des reprises de Friends de 15 ans. Ouais, mais quand même. Ouais. En effet, ça doit coûter assez cher. Vous pouvez voir la vidéo au complet sur YouTube. C'est youtube.com/user/Arby's. Mais cherchez Arby's 13 Hour Smokehouse Brisket. C'est super simple. C'est-tu Arby's Resto Bar Grill? Non. Ah, okay. Ça ressemble à ça. Arby's. Encore une fois, on va devoir terminer bientôt. Est-ce que je termine avec une dernière, peut-être? Ouais. Tiens, une chaîne de magasins 24 heures qui paie un marchand local, qui, lui, n'est pas ouvert 24 heures, pour faire de la publicité sur ses barrières de nuit. Ah. Donc, les délits, les épiceries, les petites boutiques d'alcool, les pâtisseries de Bogota, en Colombie, qui ferment à 20 heures, ont décidé d'accepter de faire la publicité pour un de leurs compétiteurs, Carola, en changeant leur système de sécurité, donc leurs grandes clôtures qui sont installées devant leur boutique, en panneaux publicitaires pour la chaîne de supermarché 24 heures. À la campagne de Ogilvy, donc payait les marchands locaux, évidemment payait sûrement très très cher, pour mettre un gros message sur leur barrière, dont le boucher dort présentement, mais celui de Carula à la 85e rue est toujours debout. Ou encore, ici on a tout ce qu'il vous faut, mais si vous en avez besoin maintenant, il y a Carula sur la 63e rue. T'sais, ouais. Tu perds à rien en tant que marchand qui ferme à 20h. Oui, mais après ça, si les gens se disent « Ah, oh, ben, je suis déjà allé là, je vais aller là-bas maintenant. » Non, je serais pas du genre à vendre ma porte pour ça. Non, ça fait très vendu. Hein. Pour quel prix? T'sais, après ça, si ça cause ta fermeture dans les prochaines années, le petit, quelques dizaines de milliers de dollars que tu as reçu, est-ce qu'il vaut tant la peine que ça? Je serais pas porté à le faire. Pas convaincu, mais pour la compagnie qui a décidé de faire ça... C'est brillant. Oui. Pour ceux qui acceptent de le faire, parfait. Exact. Allez-y. Et pour un petit vendeur, mettons, de hot dog du coin, c'est mettons un petit restaurant que tu peux pas avoir ces services-là dans une grande épicerie 24 heures. T'sais, mettons, lui, c'est le méga dog. Il y a pas de hot dog tout fait dans l'épicerie, donc tu perdras pas contre la concurrence. Oui, c'est sûr. Quelque chose comme ça, des produits qui sont spécifiques et impossibles à trouver dans une épicerie 24 heures, eux pourraient avoir à gagner de ça. Voilà, je pense que ça va être tout pour cette semaine. On va garder le reste pour la semaine prochaine. Les liens sur assemblagerequis.com, c'était le bloc pub. Mm-hmm. Mm-hmm. Ça va être le moment de reprendre une autre publicité. Je pense qu'on pourrait peut-être se glisser une petite pièce avant ça parce qu'on n'a pas entendu beaucoup de musique depuis le début. Ça ferait du bien? Ouais. Un petit peu de Jacques Maure. Ah oui! Ben oui. Tu l'as pas sauté au palmarès? Ouais. Ou tu vas la sauter tantôt? Ouais, indépendant de quand vous nous écoutez. Ouais, ouais. On écoute Père Hippie tout de suite au 89 FM. J'aime ça comment tu suis, là. Tu suis bien, bien. C'est l'assemblage requis. Yeah. êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Vous êtes toujours à Assemblage Requis avec Stéphanie Paradis. Et Mathieu Plante. Oui. C'est toujours l'émission estivale en pièces détachées. Hein? Ouais, ça, oui, ça, je pense que c'est Assemblage Requis. C'est pas mal tout le temps la même chose à chaque semaine, entre 15h et 18h les jeudis. En rappel, les samedis à partir de midi et les lundis à partir de peu importe. Je pense que c'est 14h. Oui, c'était pas le Mathieu Plante-Schumann. Ah! Just after it! Imagine, si t'es pogné, tu viens d'entendre 2h de Mathieu Plante-Schumann, après ça, il faut que t'entendes 3h d'Assemblage Requis, puis après ça, 1h de Palmarès. Tout en même temps. Comment tu vires fou? T'sais? Ben, tu changes de poste au P. C'est ça. Oh, non, non, non, non, on a, non, non, on ne dit pas ça. Les gens, ils restent tout le temps au même poste, même si c'est mauvais. Blague, t'es blague. OK, oui. OK. C'est pour ça que, tu sais, l'autre radio, supposément, que, tu sais... La radio des shit, là. Moi, ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça pogne. Pour ça. Même que c'est pas bon, faut que tu restes sur le même poste. C'est ça. T'es pogné là. T'es pogné là. Ouais, mais eux, non, on fera pas de pin contre eux vraiment directement, mais d'autres radios pourraient, des fois, essayer de vous vendre des choses qui ne sont pas de qualité, tu sais. Mais de dire que c'est de qualité. Du contenu, par exemple. Non. Nous, on vous vend, on vous le dit que c'est de la merde. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. T'as pointu. On est honnête. On est honnête, au moins. On est franc. Direct. On est franc et direct, sauf les 22h par jour où on est en reprise. Donc, c'est ça devrait répondre là. L'excellente chronique où on se suggère des choses à acheter. En fait, c'est excellent grâce aux boutiques qui nous les vendent, ces produits-là, non pas grâce à moi, certainement pas. Je ne fais que sélectionner le matériel. Pas juste les boutiques, on s'entend les inventeurs, les créateurs. Les créatifs et tout, et tout, et tout. Ceux qui inventent des problèmes et pour ensuite les régler, si on veut. Ouais, c'est ça. Mais celui-là pourrait être quand même utile pour les gens qui passent, qui ont peut-être de la misère à dormir ou peut-être des enfants. Tu sais, dans le temps, Steph, sûrement que tu avais les mêmes affaires que moi. Moi, c'était des petits collants étoiles que tu mettais devant la lumière. Glow in the dark. Glow in the dark. Moi, j'en avais pas. J'avais une amie qui avait ça et j'étais super jalouse. Et c'est dur à enlever ces affaires-là en plus. Ben, t'enlèves pas. T'enlèves jamais. Tu laisses ça à vie. Et quand tu repeins ça, ben, tu repeins ça par-dessus les collants. Ben ouais, c'est ça, détail. T'en fais le plafond. Vraiment compliqué. Il me semble que c'est bossé. Ouais, ben, c'est ça. Donc ici, c'est une façon de dormir sous les étoiles, mais avec votre smartphone et un gadget super électronique. C'est comme vraiment la super version... Super électronique. Pas juste électronique. Non. Super électronique. Too much électronique, okay, ça veut dire. Ça s'appelle le Luna. C'est vraiment très, très le fun. Donc, c'est le Luna. C'est un planétarium intérieur, si on veut, qui fonctionne avec une application. Et on peut projeter en temps réel le ciel tel que vu de n'importe où dans le monde, mais en temps réel. Ah! Pour vrai, là, un vrai produit qui s'en vient vraiment sur le marché de la compagnie Quirky. Une super bonne compagnie en plus. Ils font des produits vraiment le fun. Donc, votre excursion à l'extérieur pour regarder le ciel, nous disent-ils, est-elle gâchée par un ciel nuageux? Hein? Est-ce que votre constellation préférée est cachée par les lumières de la ville? Vous avez besoin de Luna dans votre vie. Donc, ce planétarium intérieur se connecte via votre téléphone cellulaire pour projeter le ciel de la nuit sur vos murs et votre plafond, peu importe où vous êtes. Vous pouvez voir le ciel local en temps réel ou voyager dans une autre galaxie très, très loin sans vaisseau spatial. Cet outil, ce jouet éducatif, vous permet aussi d'identifier et de zoomer sur les différentes lumières, étoiles, lunes et planètes pour avoir des informations. Ah, je trouve ça tout à fait génial! C'est fantastique. Allez voir ça, c'est Luna. Le lien sur assemblagerequis.com. Peu importe le prix, j'en veux un, c'est sûr. Ouais, dis-moi le prix. Pendant que je te dis à quel point je le trouve beau, on dirait vraiment un mini observatoire. Tu sais, en haut d'une côte, là, que tu montes là-dedans, tu regardes le ciel. Mm-hmm. Ben, t'as un mini observatoire directement sur ta table de chevet. C'est tellement cool. Je trouve ça vraiment génial. Je suis encore en train de chercher Luna de Quirky. C'est des articles. Pas de prix. Non, attends un peu. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. J'aimerais ça, là. J'aimerais vraiment ça. J'ai l'article, en tout cas. Luna, Quirk. Oui, ça s'en vient. OK, attends un peu. Les dimensions. J'ai des dimensions. 4 par 4 par 6 pouces. Sinon, je peux te parler de la publicité qui apparaît sur cette page-là. C'est vraiment beau. C'est un set de draps. Pepperoni pizza. Donc, oui, je l'ai vu. J'ai failli en parler, mais je l'ai pas mis. Mais j'avoue que c'est vraiment cool. Non, c'est dormir dans un comfort food. Oui. Donc, c'est comme si tu dormais dans une pizza. Yeah. Toi, je verrais vraiment ça chez vous. Ça, ça serait ton genre, non? Hey, je suis pas assez loser de même, Steph. Oui. Je pense que tu es déjà pas assez de main. Prix, quantité et caractéristiques assujettis à changement, sujet à changement d'ici à la sortie. Ils sont encore en production pour ça. Ah, ils savent pas. Ouais. Il va avoir un petit mode lumière de nuit. Il va avoir un angle ajustable. Et puis, un paquet d'autres options dont on a parlé tantôt. Mais les photos sont super détaillées pour le look. C'est juste pas encore produit et achetable. Mais ça s'en vient. Quirky.com est le site. Et Quirky, c'est les produits, on en parle souvent, qui sont disponibles chez Walmart. Entre autres, les Power Bar twistables en rond. Ceux qui font les petits trucs pour faire tenir tes fils après ton bureau. Ils ont plein de produits qui sont votés par la communauté. Et les produits qui sont les plus populaires vont être produits par Quirky. Ah. C'est vraiment, vraiment le fun. Quirky.com, Quirky. Transformez les planchers de votre maison en jeux 8-bits. Yeah. Si tu te sens nostalgique des vieux jeux sur Nintendo Entertainment System, comme tout le monde qui est sain d'esprit, vous devriez acheter ces tapis Quest 8-bit mats de la compagnie J-Box. Chaque ensemble vient avec 4 blocs, 2 de tuiles et 2 tuiles comme de base et 2 tuiles spéciales, 30 par 30 par 4 cm. 4 cm, ça c'est l'épaisseur. Donc tu as gazon entre autres, des pierres, des briques et même des boîtes de trésors. Et tu peux mettre ça dans l'ordre que tu veux pour créer, mettons, un grand terrain de gazon avec un petit trésor quelque part et de la brique pour faire un mur. Tu construis casse-tête, vraiment comme un casse-tête. C'est comme les tapis de gym, entre autres, qu'on peut s'imbriquer dans l'eau. C'est vraiment ça. 6,85 pour un emballage de 4, comme j'ai dit tantôt. 2 de base et 2 spéciales. Et là, il faut que tu choisisses l'ensemble que tu veux. Fait que là, c'est le fun. Tu peux faire ton propre jeu vidéo chez toi. Puis là, tu marches, tu essaies d'éviter les plantes, de te rendre au coffre. Puis... Donc, c'est non seulement la nostalgie des jeux vidéo, mais la nostalgie de sauter par le crack du trottoir, etc. moi, chez nous, en fait, il y avait des cracks dans le prélat. Puis d'un côté, moi, dans ma tête, là, il y avait des serpents et des crocodiles. Oh, c'est fait cute. Que je sautais par-dessus. Tout en train de sauter par-dessus. Problème mental. Oui, oui. Mais ça, si tu t'assumes... Ah, oh, totalement. On sait que t'as des problèmes mentaux. Et c'est pour ça qu'on t'aime. OK. Ben, je sais pas. C'est ce que je dis, en tout cas. C'est pas toujours facile d'avoir du temps pour toi. Tu le sais, quand t'es en habitation, en situation de colocalité, colocation. Colocation, oui. Avec un copain, un ami ou peu importe, t'as jamais de temps pour toi. C'est comme ça. Mais que peux-tu faire pour te retirer de tous tes problèmes? Il te faut la Cozy Room, évidemment, pour résoudre ça. J'allais dire me saouler. C'est une solution alternative. Tu peux te saouler dans ta cozy room si tu veux. Oh, c'est intéressant ça. C'est un genre de forteresse de la solitude où tu peux relaxer, travailler, étudier, regarder des films, jouer à des jeux vidéo, faire des affaires. Ça pourrait être presque même ta voûte à sexe. Ça pourrait être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Faut pas que tu sois claustrophobe. Hein? Non, pas vraiment. Ça a tout ce qu'il te faut. Donc plusieurs tiroirs, des racks. Des lumières LED, un paquet d'affaires pour ranger les affaires. Et c'est vraiment une cage quand même assez petite, donc une chaise qui a l'air d'un fauteuil en cuirette, mettons, peut-être. Ouais. Et ça s'imbrique dans une pièce, je sais pas c'est fait en quoi, là, mais t'as comme 2 murs et un plafond. 3 murs en fait, hein? Mais pas de bas. Et le tout glisse, donc le siège glisse à l'intérieur et vient créer une situation presque, peut-être pas hermétique, parce que sur les côtés t'as des trappes d'aération, bien sûr. Ah oui, il faut pas que tu meurs non plus, là. Non, ben tu... dépendant de ce que tu veux faire, comme dans Futurama, dans l'épisode pilote, là, avec la machine à suicide. Ben oui. Pour vrai. Ça ressemble à ça. Ça ressemble vraiment à ça, on dirait une cabine téléphonique de suicide. 8 000 $ américains environ. 8 000 $, oui. Pardon? 8 000 $ environ. T'as tout d'inclus, sauf, j'imagine, les appareils électroniques. Il n'y a pas de marche non plus d'inclus. C'est écrit, il y a une flèche, no step. Hein? No step? No step? No step included? Mais là, je veux pas. C'est écrit que... Tu sais, d'habitude, c'est écrit attention à la marche, mais là, c'est écrit qu'il n'y a pas de marche. Pas de marche, OK. C'est ça. Ouais, no step. T'as bien raison. Donc, 8 000 $ pour cette forteresse de la solitude. Pour vrai, moi, je trouve que c'est beaucoup trop fermé sur soi-même. Mais oui. Ça peut être plus gros que ça. Faut pas que tu sois claustrophobe. Il y a beau avoir des lumières, des écrans et tout ça. Alors, bref, peu importe. Une capsule d'ADN pour rester immortel. Et là, vous allez me dire, bon, mais Caroline, qu'est-ce que je vais faire avec ça si on n'a pas encore... créer la technique du clonage, peut-être un jour, mais ça va pas durer toute la vie non plus, vous allez voir. Donc, c'est un bocal pour ceux qui veulent peut-être vivre, peut-être pas pour toujours, mais au moins plus longtemps. C'est la DNA Time Capsule. Ça préserve votre ADN pendant jusqu'à 100 ans. Donc, ça pourrait potentiellement peut-être mener à ce que tes arrière-petits-enfants, si les docteurs ou les médecins sont rendus là, vont pouvoir regarder dans ton ADN si tes petits-enfants sont susceptibles d'avoir un cancer d'une certaine façon. T'sais. Parce que des fois, t'as pas les dossiers nécessairement médicaux de tout ce que tes grands-parents... Tu vas pouvoir donc savoir si ton arrière-grand-père avait dans ses gènes une possibilité de telle maladie. Tu vas pouvoir peut-être régler le problème avant même qu'il arrive. Des trucs comme ça. T'sais. Donc, c'est 300$, donc pas cher quand même pour garder votre ADN pendant plus d'un siècle, 100 ans. Et puis, ben, c'est ça. C'est bon pour l'ego, c'est de dire, hey, crime, j'ai mon ADN dans un petit bocal. Ouais. J'en ai plein sa tête, puis j'en ai plein ses bras aussi. J'en ai plein sa langue. Donc, c'est la DNA capsule. Ensuite, parlant de capsules, des bocaux. Tu sais, les bocaux, les pots maçons. Ouais. On aime tous ça. Je suis très fan. Évidemment, comment ne pas l'être. Mais ce qui est fatigant, c'est le couvercle. Tu vas tout le temps perdre le milieu, tu sais. Moi, je perds tout le temps soit l'anneau ou soit le petit couvercle plate qui va dedans. Ouais, mais de toute façon, si tu veux les stériliser, t'as pas le choix d'en acheter des nouveaux à chaque fois. Ah, ça, je savais pas ça. Une fois qu'il est popé, il est popé, hein. C'est ça. Une fois que c'est popé comme. When it's all ready pop, you can pop again. Hippopotame, man. When you pop, you can pop again. C'est ça que t'as dit? Ah, c'est tellement vulgaire. Donc, transformer un simple pot maçon en pot multi-usage, multifonction, etc. Sur la go, toi, avec le Recap Mason Jar Pour Cap. Oh. C'est des bouchons, des capuchons, hein, pour les pots maçons old school, tout ce que plus old school. Sauf que c'est qu'ils ont différentes options, OK? C'est que tu peux, par exemple, shaker, verser, juste fermer hermétiquement. Tu as plusieurs embouts, un peu comme le truc de coke dont on a parlé tout à l'émission. C'est à l'épreuve des dégâts. C'est sans BPA. Il y a un super flip-top, là, vraiment parfait pour faire un contenant à breuvage. On connaît et on va le saluer de passage. Monsieur François-Olivier Marchand, ancien co-animateur d'Assemblage requis. Hein? Oui, avec son espèce de mixture brune. On sait pas. Il dit que c'était du chocolat chaud. On sait pas. Dans son pot solo. Moi, je pense qu'il y a une petite poignée de terre là-dedans. C'est ça. Ou en tout cas, peut-être que les besoins de son enfant le matin, il voulait les amener en souvenir. Mais bon. Peu importe, mais il y avait un pot maçon pour son chocolat chaud et on trouvait ça très, très louche parce que c'est super cassable aussi, en effet. Et en effet, hey, est-ce que je t'ai raconté cette anecdote-là? Je pense que non. Avoir tes yeux, je te dirais oui ou non, mais je sais pas de laquelle tu me parles. Le dernier jour où il est venu faire son party d'au revoir, et je sais pas si c'était la dernière journée d'animation d'Assemblage requis qu'il a fait, mais peu importe, peut-être le lendemain, il a échappé son pot maçon et il l'a cassé. Oh. Et on l'a pris en photo comme « Voilà la fin de ton histoire, man. Tu termines et tu casses ton pot maçon. » C'est tellement genre parfait comme fin, non? Mais c'est un peu triste, non? Triste, mais en même temps, ouais, parfait. Ça finit tellement sur une note. Tu peux pas scripter ce genre de gag-là. Ça. Non, si tu le scriptes, c'est trop prévisible. Et voilà, parce que quand on scripte, nous, tout est prévisible. À son âge requis. Donc, c'est ça, on peut transporter. Là, on revient au pot maçon avec des capuchons qu'on peut changer et qui sont à l'épreuve de tout. On peut transporter, par exemple, céréales, vinaigrette, cocktail. Tu pourrais amener ton petit smoothie le matin. Et bonbons, peanuts, sirop d'érable. Et tout ça, impossible à renverser. Des vis. Hein, je renverse tout le temps mes vis, moi. Tu voudrais pas renverser des vis? Ça coule tout le temps, tout les bords, ça, des vis? Oh, oui, t'en prends une poignée, ça te coule entre les doigts. C'est ça. T'en as qui coulent des fesses, comme dans Davis and Butted. Davis and Butted. Je l'avais déjà fait, je pense, il y a quelques années, ce gag-là. Je sais pas. Il était bon à l'époque. Davis and Butted, on va le retenir. Donc, ça vient dans une variété de couleurs, régulier et bouche large pour les gros pommaçons plus larges. J'ai déjà vu une vidéo. Pour reparler encore un peu de la beauté du pot maçon. Ouais. La vidéo, c'est une fille qui expliquait que le pot maçon était fait, mais je sais pas si c'est par hasard ou c'est la beauté de la chose, que tu peux le mettre sur le moteur de ton mélangeur. Donc, si tu as un mélangeur électrique, là, ouais. Un blender, comme on appelle, entre guillemets. C'est pas le robot dans Futurama, ça? Non, ça, c'est. Y a pas de L. Ah, c'est blender. Donc, le pot maçon, tu peux le visser sur le moteur, sur la base du moteur. Donc, en théorie, tu peux faire des... Un Magic Bullet sans le Magic Bullet. Exactement, avec un pot maçon et un moteur. Je ne l'ai jamais testé, mais la fille dans la vidéo, ça a donné que son moteur fitait dessus. Donc, je ne sais pas si tous les moteurs de mélangeurs fonctionnent. Mais intéressant, non? Très intéressant. On va encore appeler les brise-mites, là. Les stupéfiants en français. Les stupéfiants. Qui est l'imbécile qui a trouvé ce nom-là? Mais bon. Quand tu arrives à la maison, Steph... Premièrement, t'allumes la télé pour écouter les stupéfiants. Mais oui, oh. J'aime tellement pas le nom en français, mais bref. Tu lances tes clés sur ta table. Mais non. Non, hein, parce que ta table, elle est en vide, tu vas casser ça. Ah non. Non. Non, mais qu'est-ce que tu fais avec tes clés? Ben, je les ramasse, je les accroche sur le petit crochet à l'entrée de la porte, je jette pas ça n'importe t'es où. T'es tellement une bonne fille. Mais si tu voulais vraiment, tu pourrais lancer tes clés sur une cible faite exprès pour attraper tes clés. Ah, mon c'est pour, chat. c'est pour améliorer ton visu. OK? En lançant tes clés avec un petit je sais pas comment t'appelles ça, un anneau, tu sais, un bang là, en métal, là, avec le titre. Un bang aimanté, là. Mais pas aimanté, mais en métal. Pas un washer, c'est ça, un washer? Un anneau, je sais pas. Donc, c'est un anneau aimanté. Évidemment, la cible elle-même est aussi aimantée. Donc, ton anneau en métal et le truc aimanté. Et là, tu mets tes clés après ça et tu lances tes clés. C'est vraiment, tu peux l'acheter. Évidemment, c'est super simple de créer ça soi-même avec ton propre aimant et n'importe quelle autre cible que tu auras acheté à une pièce, peu importe où. Là. Mais c'est ça. C'est fait pour ça. C'est fait pour être beau. C'est fait sur un beau petit bloc de bois. En rond. Non, je trouve ça laid. C'est bleu, jaune, rouge et noir. Il y a trop de couleurs. Oh, mais c'est les couleurs d'une cible normale. On peut pas leur en vouloir, là. Mais non, mais c'est pas beau dans un décor. T'aurais voulu que ce soit rouge, blanc, puis avec un logo de Target dans le coin. Ça a été beau. C'est vrai que ça aurait été beau. Ça a été très beau. Ouais. C'est disponible en ligne pour 65 gros bidoux. Pardon? 125 washers. Wow. Pas 125, 65, j'ai mal dit. 65 washers. Un générateur de son qui produit du white noise ou encore des bruits de ventilateur. Moi, anecdote en ce moment, Steph, on crève, il fait 30 degrés dans mon appartement en tout temps, alors qu'ici, il fait 30 degrés et c'est temporaire et j'en suis reconnaissant. Mais une fois rentré chez nous, ça va être de retour aux 30 degrés. Et j'ai une fan à 20$, OK, qui fait... Comme les... Ouais, c'est ça. Ça fait ça en permanence. La misère à dormir. C'est bien sûr. OK. Mais si j'avais de la misère à dormir et que ça m'aidait à dormir, le monde à l'envers, finalement, je pourrais acheter ce gadget-là qui reproduit le son d'une fan, mais sans la fan. Mais la fan qui tourne bien, mettons. Une fan qui tourne bien, j'imagine. Mais bon, ça mesure 4,4 pouces par 4,4 par 2,2. Ça s'appelle la Electrofan. Ça fait le bruit de plein de choses, dont un ventilateur. 20 sons différents pour masquer, par exemple, les voisins ou autre chose comme ça. Donc, 10 paramètres pour le white noise. Ça, c'est comme un bruit qui vient annuler les autres. Et 10 sons de ventilateur différents. Donc, il y a sûrement ma fan plus ou moins fort qui va probablement briser d'ici 2-3 semaines parce que j'utilise 24 heures sur 24 non-stop Party People sans cesse. Ouais, mais il y a sûrement des applications sur iPhone qui produisent ça. Probablement. Gratuitement. Ou à 1$. Minimum, maximum 1$. Ici, dans ce cas-là, tu peux payer 50$. Ah, si jamais tu veux vraiment la machine qui fait juste ça, par exemple. Ben, j'imagine que d'avoir le contrôle, ben, en même temps, j'allais dire le contrôle du son et du volume, ce que l'iPhone fait aussi. Oui. Ou n'importe quel site web. Sur un portable. Il y a des simulateurs de son d'éclair, Thunder, truc. Ben justement, hier, j'ai mis la petite application Relaxia. C'est le fun. Et je me suis endormie sur des sons de pluie et de tonnerre. Tu peux même choisir... tu peux mettre le tonnerre seul, la pluie seule. Tu peux mélanger les deux. Donc, je trouve ça fascinant. Faut faire attention, par exemple, parce que moi, mon réveil matin... c'est quelque chose de très relaxant. Donc, c'est des oiseaux qui commencent à chanter avec un petit bruit de forêt. Et dans des sons pour m'endormir, dans le Relaxia, il y avait aussi des bruits justement d'oiseaux et de forêt. Donc, je peux pas prendre celui-là pour m'endormir parce que c'est mon réveil matin. Donc, si j'entends des fois des oiseaux trop forts le matin, je fais vraiment « Oh mon Dieu, ça sonne! » Ah non, c'était juste les vrais oiseaux. Tu sais, là, la feuille des plumes, là. C'est ça. Qui veulent un craquelin? Donc, mon cerveau commence déjà à associer ce son-là. Tout de suite, je me réveille. Pour vrai, souvent, je me réveille, je fais comme « Oh mon Dieu! » Tout en douceur. « Oh, ça fait longtemps que ça sonne, je me réveille tellement bien. » Et non, je me réveille vraiment sur le coup, mais en douceur. C'est vraiment merveilleux. Quand c'est des vrais oiseaux qui réveillent, c'est... vraiment. Donc, cette machine-là... Ben, je me demandais justement, est-ce que je t'ai parlé du grillon qui s'assoit sur le bord de ma fenêtre puis qui crie sans arrêt? Que t'aimerais gonner. Pauvre toi. Hey, c'est drôle. On part sur des anecdotes par rapport, mais mon ventilateur, je te jure, une fois qu'il est rendu à la fin de son cycle vers un côté, il fait comme un cric-cric. Genre, puis j'ai pensé pendant quelques heures que c'était un criquet qu'il y avait dehors chez nous. Jusqu'à temps que. C'est tellement naïf. Que je bloque ma fan pour qu'elle soit directement vers moi parce que quand il fait 32 degrés, sérieux, t'as besoin de. Ça a tué le criquet. Et ça a tué le criquet par le fait même. Puis là, quand je suis reparti, ça a commencé le criquet. Fait que là, j'ai commencé à analyser le mouvement de la fan et c'est vraiment à un moment particulier de sa rotation qui fait un bruit de criquet. Je te vois réfléchir à ça ouais. 30 minutes assis ouais. devant ta fan. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Ouais. Donc, Electrofan, 49,95 chez Richard Ice Solo. De quoi qu'on parlait, donc? Je sais plus. Maintenant, des boîtes de jus, c'est le fun des boîtes de jus, sauf que t'as de la misère à planter ta paille dedans, n'est-ce pas? Oui. Fait comme ici. Ben donc, oui. Planter ta paille dans une boîte de jus, des fois, ça peut être difficile. Et en plus, ben, c'est que ça fait beaucoup de gaspillage de, peu importe, carton et trucs qui est ajouté par-dessus pour que ce soit, pour que ça prenne pas l'eau et le jus et que ça fasse pas de la moisissure. Bref, sauf quand ça en fait. Les boîtes de jus, donc, c'est pratique pour mettre dans un lunch pour enfants ou pour amener au bureau, des trucs comme ça. Pourquoi juste les enfants? Ben, entre autres, c'est vrai qu'on s'achète plus vraiment tant de boîtes de jus à l'âge adulte. On dirait que ça manque. Parce que ça gaspille. Du carton, exactement. Donc, ces boîtes de jus-là contiennent des breuvages qui sont souvent plus sucres que d'autres choses. C'est pas très, très nutritif. Donc, on essaie de remplacer tout ça avec le Juice in the Box Beverage Container, où on peut mettre son jus dans une forme de boîte de jus avec une paille intégrée. Oh, hey, c'est beau! C'est très, très beau. Le choix de couleur est très fun aussi. Donc, le plastique est presque complètement indestructible. C'est du Triton et c'est disponible ben, c'est sans BPA, sans phtalate et c'est à l'épreuve des dégâts. 100% silicone pour le truc qui la scelle. Paille. Pour la paille, c'est ça. Et le bec. Et comme je disais et comme on a dit, la paille est intégrée dans l'appareil. C'est de la même grandeur qu'une boîte de jus ou presque. Donc, on peut vraiment remplacer la boîte de jus dans la boîte à lunch. Ça peut tenir 8 onces de liquide. Et évidemment aussi, ça empêche de faire du gaspillage de carton. Juice in the Box, ils sont disponibles en bleu, vert, rose, orange et rouge. Toutes des couleurs translucides. C'est un beau travail. Oui. Pour 12$ chaque. C'est sûr que c'est cher, mais c'est un investissement. Ça. Ouais, par c'est... boîte. Mais c'est beau. C'est très, très beau. Pour vrai, j'approuve. Je peux pas dire que c'est cher avec la quantité de marque Tupperware que j'achète. Sauf que c'est pas du Tupperware. Parce que ça, c'est pas garanti à vie. C'est ça la différence. Moi, mon petit pingouin, là, il est garanti à vie. Est-ce que tu trouves que la version noir et blanc de la boîte de jus, Juice in the Box, a l'air d'un paquet de cigarettes? Ouais. Mais bon, en couleur, ça a pas l'air d'un paquet de cigarettes. Je trouve que... AirType, un clavier sans touche. Un clavier sans touche qui provient directement du futur, on dirait. Tu sais que la technologie portable, c'est bien à la mode. On en parle à chaque semaine dans la chronique, que ce soit des montres, des bracelets, des bagues intelligentes qui s'accouplent avec votre téléphone cellulaire. Eh bien, les claviers portables pourraient être la prochaine étape. C'est le concept derrière le AirType. C'est un clavier sans fil qui est deux bracelets, pas vraiment bracelets, mais si on veut, de plastique. Qu'on met dans la paume de sa main et non pas sur son poignet, OK? C'est pas comme les claviers projetés, là, tu sais, on a déjà vu les claviers projetés où ça envoyait des touches sur ta table et tu tapais dessus, t'as déjà vu ça? Ben oui. C'est pas ça, là. À la place, c'est que le AirType est sans touche et ça va virtuellement comprendre ce que tu tapes par rapport à l'endroit où est situé ton bracelet sur ta paume de ta main. C'est un petit peu difficile à comprendre, allez voir la vidéo pour vraiment vous mettre une image là-dessus, mais c'est que tu tapes sur ta table de la même façon que tu taperais depuis toujours avec un dactylo ou un clavier. Et le AirType va comprendre ce que tu tapes par rapport à comment tu tapes. Mais il faut que tu sois compétent, là. C'est ça. Il faut que tu connaisses la technique officielle, si on veut, de tapage. De tape-touche, comme on dit. Parce qu'on s'entend. Ouais, c'est ça. Ah oh, ouais, j'avais comme pas catché que tu parlais du logiciel. Je pensais que tu parlais d'un jeu sexuel, là, le tape-touche. Mais c'est ça. Gif touche et tape touche et c'est les ça. Autres. Fait que dans le fond, chaque lettre, c'est un doigt qui va à une position. Ouais. Fait que admettons moi que je tape avec juste comme 3 ou 4 doigts, ça marche pas là. Je pourrais pas taper avec ça. Pas du tout. Mais en plus, moi, je regarde un peu mon clavier de temps en temps, là, on s'entend. Mm-hmm. Et on voit dans la petite vidéo de démonstration, le gars, il utilise un clavier genre Logitech, Microsoft, peu importe, un clavier normal. Ensuite, il remplace par un iPad. Ensuite, il remplace avec un tapis. C'est le genre de petit truc mou d'une Microsoft Surface. En fait, je pense que c'était une Surface, c'était pas un iPad au départ. Je pense que c'est le gars est fan de Microsoft, pas mal. Et après ça, il dort son clavier, il se met à écrire. Mais tu vois que sa façon de placer ses mains, c'est la façon, comme tu dis, officielle. Donc, si les deux doigts du milieu doivent taper d'une certaine façon et ensuite se plier d'une certaine façon pour continuer. Donc, bref, allez voir ça. Il y a possibilité peut-être d'amélioration. J'avoue que je préfère peut-être le système de projection d'un petit laser pour montrer au moins où sont les touches principales. Ouais. Mais j'imagine qu'on s'habitue. C'est ça. Mais c'est sûr que rendu à notre âge, c'est niaiseux à dire, là, mais c'est parce que ça doit être quand même difficile de réapprendre à taper. Mais ça se fait. Ça se fait, tout se fait dans la vie, il faut juste essayer un petit peu. Et c'est sûrement beaucoup plus efficace. Oui. En effet, t'as rien à transporter sur deux bracelets. Après ça, une fois que t'as fini autour de ta paume, tu peux le remettre autour de ton poignet. Et là, ça devient un bracelet. Ben oui. T'es à taper pour le remettre au milieu. Bref, on parle de sexe maintenant. Le teddy bear, tu te rappelles, dans ta jeune jeunesse, t'avais tout un petit ourson, hein, sûrement. Tout le monde a un petit ourson dans sa vie, à quelque part. Non. Non, pas tout petit ourson. Non, une souris. Une souris, bon. Ben, t'auras pas de souris, tu vas avoir un ourson, il faut que tu redeviennes mainstream pour tes besoins sexuels. C'est un petit ourson teddy bear, incognito teddy bear, qui vibre du nez. En fait, il s'appelle le Teddy Love, avec un vibrateur à 10 vitesses dans son museau. T'ajustes la vitesse en pinçant ses oreilles et c'est entièrement lavable au savon et à l'eau. Donc, Teddy Love est unique, discret, sexuel et vous donne du plaisir via un mécanisme de vibration double. Donc, stimulation directe clitoridienne et vaginale via les 10 vitesses qui accompagnent tout ça. Dans son nez et dans sa langue, parce qu'il y a une langue qui sort. Ouais, une grosse langue de mauvais goût. C'est pas très séduisant. Ça avait l'air d'un ourson normal que tu pourrais laisser sur ton lit en tout temps, jusqu'à temps qu'il décide de mettre une langue qui sort de sa bouche. Pas vrai? Genre. Mais mais honnêtement, il est laid. Oui, vraiment très, très. C'est pas un mauvais goût. C'est pas un ourson réussi. S'il avait juste pris un ourson qui existait déjà, genre Teddy Ruxpin ou peu importe, puis qu'il avait mis un vibrateur dans son nez, ça aurait été mieux. Mais bon, je sais pas s'il pourrait dire des phrases, genre. Tu sais? Comme quoi? Ben, tu sais, les filles, il faut que ce soit stimulé intellectuellement, là, genre, qu'il y a quelque chose, un commentaire pertinent sur la politique américaine et des commentaires le fun, que la fille trouverait stimulant. Okay. Oh, que t'es belle comme à tous les jours de ta vie, tu sais, déjà. Ah, les ça, femmes, c'est quétaine. Donc, Teddy Love. C'est quétaine, les femmes. Je sais. Donc, Teddy Love est présentement en train de ramasser de l'argent sur Indiegogo. Jusqu'à maintenant, en tout cas, en date de l'écriture de l'article, ça monte vraiment pas assez vite. Là. Il était comme à 500$ sur 50 000. Bon. Tu m'étonnes. Ouais, c'est... mais c'est rendu là, c'est quasi de la zoophilie, là. Genre, hein? Ouais, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je serais gêné d'être excité par ça. Sur Indiegogo, en ce moment, le Teddy Love est... Aïe, aïe! OK, l'article a été écrit il y a quelques jours. On s'entend que je prépare la chronique minimum maximum le mercredi soir. Ben oui. Où il disait qu'il était à 373$ américains. Il est encore à 373$ américains. Sur 50 000$, il reste 50 jours. Quand même. Ben oui, mais ça n'a pas monté en 3 jours. Ça a débuté le 16 juin. Donc, depuis le 16 juin, ils ont juste ramassé 373$ américains. Ça marche pas pour toi. Non. Et c'est une madame qui l'annonce. Je pense qu'elle est à tripser tout un petit peu trop fort. Elle en a d'autres sur son lit, hein? Oui. On la salue. Salut! En vibrant du museau et en sortant la langue. Les écouteurs sans fil, est-ce que tu as déjà essayé ça, des écouteurs sans fil? Oui. La qualité, des fois, n'était pas vargeuse. Des fois, tu parles à la connexion. En plus, puis... ça fait quand même longtemps, donc c'est sûr que la technologie était peut-être pas à point. Et moi, ça fait descendre la batterie saignant. Aussi. Ouais, tu préfères ça saignant. Excuse-moi. Et ta batterie de cellulaire descendait beaucoup trop vite, bon. Et tu étais pogné avec des gros écouteurs qui allaient derrière ta tête. Tu voulais peut-être des écouteurs un peu comme les annonceurs de lecteurs de nouvelles, mettons, vont avoir un écouteur dans l'oreille inséré, tu sais, très, très profond. Une oreillette. Une oreillette, comme on l'appelle. C'est le même principe pour les Ear-in Wireless Earbuds. Donc, si le nombre de fils dans votre vie est trop élevé, il faut ces écouteurs-là qui ressemblent à des oreillettes. C'est via Bluetooth 4.0. Ça joue de la musique et seulement de la musique, donc rien d'autre, nous dit-on. Sans aucun fil. Et ça se fait sur des petits haut-parleurs qui livrent un son apparemment très, très bon. Tu as droit à 3 petits embouts pour évidemment fitter dans ton oreille pour être confortable et que le son sorte mieux parce que c'est ce qui fait que le son sort bien. Les petits ça écartille un petit peu ton canal. Pile rechargeable qui livre jusqu'à 3 heures de lecture par charge. Et puis ça va durer peut-être pas un vol d'avion, mais tu pourrais quand même te transporter, j'imagine, soit plusieurs paires de batteries ou plusieurs écouteurs. Peut-être pas plusieurs écouteurs parce que sur Kickstarter, on demande 205$ en ce moment. Oh. Mais c'est beau et ça ressort quasiment pas de ton oreille. Ben, honnêtement, j'aurais peur de mettre ça dans mes oreilles. C'est niaiseux, mais de rien avoir qui accroche, puis de juste rentrer quelque chose dans mon oreille, je serais pas. Ben, contrairement à d'autres affaires qui peuvent rentrer dans différents orifices, ou. Le nounours. Ouais, ou qui sont attachés après toi, c'est que tu vas savoir si tu les perds. Moi ce serait les perdre et non pas que mon oreille avale le gadget puis que ça finisse dans ma tête. Ouais. Je pense pas que ce soit faisable. Mais de le perdre, c'est que vu que c'est des écouteurs, tu vas l'entendre si tu les perds. Ouais, mais tu sais peut-être pas où il est tombé non plus. Mais vu que le son arrête là, tu vas savoir qu'il est tombé récemment, donc tu vas trouver autour de toi. Mais peut-être pas, si dans ton auto, ça peut être vraiment long. C'est ça. Si c'est dans ton auto, j'allais te dire, tu vas faire comme quelqu'un que je connais qui a perdu son iPod dans sa voiture, a pas vraiment plus pris le temps de chercher qu'il faut, puis de juste acheter un autre, mettons. Là, mettons. J'ai vraiment cherché beaucoup. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. D'accord. C'est vrai, je l'ai découvert quand je me suis assis du côté passager. Je ne m'assois jamais du côté passager dans ma propre voiture. Ah, ça, c'est un bon point. Voilà. C'est un bon point. Des sacs de thé maintenant qui passent du mode stressé au mode relaxé dans l'eau chaude. Hein? C'est cool, hein, comme idée. J'avoue que ça te titille l'oreille, là. Puis là, ton écouteur tombe, puis là, t'as peur, puis là, t'as juste une autre peur. Donc, c'est des sacs de thé qui se transforment. Ben, c'est un concept publicitaire. C'est le genre de d'article qui chevauche la ligne mince entre « ça existe, mais ça devrait répondre là » et le bloc pub. T'sais. Mais attendez, c'est un gadget. Je donne la priorité à « ça existe, mais ça devrait répondre là ». C'est que c'est un symbole stressant, la poche de thé en tant que telle, qui va devenir une version plus calme quand tu vas mettre de l'eau chaude. C'est écrit par l'agence publicitaire MNC Saatchi pour la compagnie de thé BOH, qui donc espère faire vendre plus de thé à la camomille. Évidemment, thé qui a un effet calmant. Donc, si on regarde la petite vidéo sur assemblagerocky.com, on montre, mettons, on va donner une poche de thé, mettons, en forme de volcan, en forme de petite bulle avec des côtés piquants. Un phylactère, ouais, c'est ça, un phylactère, exactement. Un oiseau qui a l'air sauvage. Et quand le thé s'infuse dans la tasse, tu le vois en temps réel dans la petite vidéo. Je pense pas que ce soit en temps réel. Ouais, ok, ou non, c'est en temps réel. Ouais, aussitôt ouais. Que ça touche à l'eau chaude, ça change. Et ça devient un petit oiseau là, plus sympathique, plus mignon. C'est une maudite bonne idée, un volcan. Je sais pas lequel va avec lequel parce que ça nous donne pas le résultat final dans la photo. Mais mettons, ça peut être un ours qui deviendrait un petit ourson, mettons. Ouais. L'idée est cool. Mais tu peux pas les acheter, donc c'est pour ça que ça va pas vraiment dans cette chronique-là. Ah. Mais, ouais. Mais on dirait que je comprends. Je me demande tellement comment tu peux arriver à cette idée-là. Oui. Quelle sorte de brainstorm faut que tu fasses? Écoute-en. Quel genre de thé faut que tu boives pour avoir cet effet-là hallucinant? Mais non, clairement, ça allait plus dans le bloc pub, mais bon, j'en ai déjà parlé. C'est en les faisant que tu t'en rends compte. Les shorts, ensuite, on parle d'alcool dans ce cas-ci. Steph, t'as tout le temps de la misère à amener ton alcool au bureau et il faut tout le temps que tu fasses semblant que t'as une bouteille d'eau, mais c'est clairement de la vodka pure. Hein? Ben oui. C'est clairement ça. Donc, il te faut la flasque pour sous-vêtements. OK. Ouais. En fait, je dirais même plus au contraire. En fait, ça s'appelle les sneaky shorts, OK? Donc, c'est une façon de transporter 24 onces d'alcool au travail, à une partie de baseball ou peu importe où tu veux transporter de l'alcool de façon illégalement, illégalement ou n'importe quel autre liquide attaché à ta cuisse. Donc, ça s'attache à tes... J'essaie de voir là, comment ça s'attache. D'après moi, ça s'attache à ta ceinture, à une ceinture que tu mets comme à l'intérieur de ton pantalon. Ouais. Et c'est comme un genre de sac avec un bouchon. Et tu passes la ceinture à travers de ça. J'imagine une ceinture très, très mince. On dirait-tu les petites poches là, pour les gens qui n'ont plus de vessie? Là? Oui. Oui. Ah oh, oui, rappelle-moi pas les mauvais souvenirs de mon... du chum de ma grand-mère dans le temps qu'il y avait ça. OK, je pensais que t'allais dire du temps que t'avais pas de vessie. Non, il y a rien de plus... Je pense que dans la vie, c'est l'affaire la plus dégueulasse au monde, ces poches-là. Mais tu sais, des fois que t'as pas le choix. T'as pas le choix. Un coup mal pris, mais en même temps, c'est ça, c'est dégueulasse. Donc, procurez-vous ça et essayez de pas s'associer ça à de mauvais souvenirs comme ça. Hey, mais c'est parce qu'on s'entend-tu que dans tes bobettes, ça doit venir chaud vite, l'alcool? Oui! Température ventre ou température pièce? Ouais, c'est pas du tablette. Température c'est pénis, du bobette. Bobette. Tablette, bobette, essayez de trouver un mot qui rime. Ouais. C'est ça. Ensuite, toujours dans le domaine de l'alcool, mais là, on s'entend que celui-là, c'est un petit peu plus intelligent. C'est une fausse bouteille de lotion solaire. Qui transporte, elle aussi, de l'alcool. Et en plus, on t'offre deux SPF différents pour que tu puisses te rappeler quel alcool est laquelle. Ah, cette fois! Si SPF 15, c'est du rhum, puis SPF 30, c'est du scotch, tu sais, maintenant. Donc, cet été, amenez vos boissons préférées à la plage, à des concerts, des piscines, tous les endroits qui permettent, évidemment, d'amener de la crème solaire, c'est-à-dire pas mal partout. Ben oui, c'est pas très illégal. Pas tellement. Donc, avec les Secret Sunscreen Bottle Flasks, c'est 8 onces de liquide. Donc, on peut amener en tout 16 onces si on remplit les deux modèles de SPF 15 et SPF 30. Et puis, c'est ça. C'est t'as tout. Pas l'air louche quand tu bois ta crème solaire? Ben, c'est ça. Tu fais ça où, les toilettes, peut-être? Mais tant qu'à ça... Tu t'es verses dans la main puis tu te splashes d'en face. Je sais pas. Un petit peu collant, peut-être. C'est supposé être super sécuritaire. Ça doit brûler dans les yeux aussi. super sécuritaire, scellé et tout, aucun problème. Ouais. On continue dans le domaine de l'alcool. Hein. Je les ai mis ensemble pour toi, Steph, avec les Wine Glass Appetizer Plates. C'est des petites assiettes qui vont sur une coupe de vin pour mettre des petites entrées. Tu sais, quand tu fais un cocktail party, des petites saucisses en bacon. Ouais. Mettons. Et autres. Donc, c'est des petites assiettes de 3 pouces de diamètre qui vont venir se poser facilement, sans encombrer rien, sur ta coupe de vin. C'est pratique si c'est l'été puis qu'il y a du pollen ou des mouches qui tombent dans ton vin. Tu protèges ta boisson précieuse. Avec ta bouffe. Et chaque assiette est faite à la main à partir d'érable du Vermont. Et ça vient en emballage de 2. Pour 80$. Probablement sur le site de napastar.com. On les retrouve pour 24$ chaque. Ensemble de 2. Attends un peu, j'essaie de voir si t'es en ensemble de 2. Donc c'est pas 24$ chaque. 12$ chaque, j'avais pas vu ça, tout à fait. Voilà. Et voilà, on peut mettre n'importe quoi dessus, les tapas et autres collations. Ensuite, j'ai toujours adoré la beauté des tickers. Tu sais, les tickers, c'est une surface sur laquelle roulent des messages. Tu peux avoir ça, mettons, à l'extérieur du studio qui dirait, mettons, la prochaine émission qui arrive en onde, tu sais. Ah, un ticker. Oui. Un peu comme sur les stations de nouvelles, ça roule en bas de l'écran. Ce genre de principe-là, mais électronique. Donc, les tickers. La Metric, c'est le nom de la du modèle, la Metric Smart Ticker. Ça ressemble à donc un ticker comme pour les indices boursiers et autres. Et ça affiche seulement des informations qui t'intéressent toi. Parce que ça peut être personnalisé comme tu le veux exactement. Donc c'est fait pour aller sur un bureau ou monter sur un mur avec un affichage lumineux, une résolution de 37 par 8 pixels. On s'entend que c'est des pixels à l'affichage chez Canadian Tire dont on parle à chaque fois qu'on a la chance. Ouais. Où on voit rien, à moins que tu sois vraiment proche ou vraiment loin. Ça reste clairement visible de l'autre côté de la pièce, c'est l'idée. Donc la Metric fonctionne avec... Ben, en fait, tu peux... Tu peux avoir la météo, tu peux avoir les événements de calendrier, tu peux avoir des courriels, des dates de fêtes, des analyses de tes Google Analytics, donc des données de ton site web, mettons, tu pourrais voir le nombre de gens qui sont venus, le nombre de fans sur Facebook, des indices boursiers comme les vrais stock tickers à l'origine, et beaucoup plus, et t'as un bouton pour changer de fonction. T'as un haut-parleur puissant pour entendre des notifications comme si on avait pas assez de bruit gossant dans la vie. Ouais, c'est ça. Et ça vient avec une version à pile ou une version branchée dans le mur. T'as le choix entre les deux. Ah. À l'achat. Pour 120$, c'est sur Kickstarter en ce moment, donc on demande de l'argent. J'espère que ça va se rendre jusqu'à son but, parce qu'on est déjà à 148 000 sur 69 000. Donc, on a vraiment dépassé pas mal et il reste encore 35 jours. Donc, d'après moi, ils vont pouvoir se rendre à chacun de leurs buts additionnels, parce que sur Kickstarter, tu peux avoir plusieurs buts. Et en plus, c'est que c'est vraiment beau. Les pixels sont tout cute. Oui, ça, c'est beau. Mais pas le genre de truc dont je me servirais. Non. C'est pas pour tout le monde, en effet. Pour vrai, pour mettons une station de radio ou une compagnie qui voudrait marquer ses heures d'ouverture et ses fans sur Facebook, ça pourrait être utile. Ouais, ça, c'est cool. Plus business que client normal. Des bijoux inspirés par les DJ. On commence l'article en disant « Voici une ligne de bijoux pour hommes », alors que moi, pourtant, je dirais que c'est très, très unisexe, tout ça. Moi, je trouve ça relativement féminin. Même oui, en effet, mais bon, je vais dire uniformément unisexe. C'est donc la collection Novum, une série de bijoux inspirés des DJ qui mélangent donc musique et technologie en quelque chose de sophistiqué et à la fine pointe du modernisme. Donc, par exemple, on va voir un collier qui est clairement inspiré des écouteurs d'Apple. Oui. Donc, vraiment, c'est tout ce qu'il y a de... On dirait une paire d'écouteurs, sauf que tu peux juste pas écouter de musique avec. Je trouve ça très beau. Vraiment. C'est vraiment beau. Une petite chaîne, très minimaliste, un écouteur au bout, j'imagine en métal. C'est super cute. C'est beau, en plus, on les perd tout le temps dans le studio. On pourrait l'avoir direct dans notre cou. Si seulement c'était des vrais écouteurs, c'est ça qui manque. T'as aussi un petit jack 1.8, comme on l'appelle. Donc, ouais, un adaptateur d'écouteurs, de prise écouteurs iPhone à écouteurs de console et autres appareils plus sophistiqués un petit peu, d'un huitième de pouce. Non, un huitième de pouce, je pense que c'est celui d'écouteurs, puis l'autre, c'est un quart. Oui. Un quart. C'est ça. Voilà. Un quart. On travaille dans une radio, puis encore plus. On travaille dans une radio, puis on sait pas le nom des adaptateurs. Ce qu'on sait, c'est passe-moi une pin. Passe-moi une pin. T'as aussi des bracelets qui rentrent un quart vers une prise d'écouteur. Et donc, dans le fond, tu vois pas vraiment que c'est une prise d'écouteur. Mais quand tu le défais, tu le vois. C'est un petit peu dur à expliquer, là, mais bon, c'est un bracelet. C'est très beau, c'est très beau. C'est ça. J'aime ça. Allez-y, dépensez quelques centaines de dollars là-dessus, dépendant du style. Ça peut monter assez rapidement. Steph, celui-là est vraiment, vraiment cave. On porte tous les deux des lunettes. Oui. Et des fois, les laver, ça peut être plus... on fait juste tartiner la saleté sur nos lunettes. Oui, en gros, c'est pas mal ça. Pour vrai, on les met dans les coins, les poussières qu'il y a dedans. Ça lave jamais vraiment bien. Donc, on a inventé, et tu vas adorer le nom, Steph, le Cliris. Non, je suis pas sûr. Qui a eu l'idée d'appeler ça le Cliris? Quelqu'un qui parlait allemand, probablement. Probablement pas un anglophone ou francophone d'origine. Donc, c'est supposé désinfecter, traiter à l'anti-buée assécher et ensuite même parfumer vos lunettes en dedans de 4 minutes. Tu peux parfumer tes lunettes. Je pense que c'est un petit peu sûr. Un petit peu too much. Est-ce que tu penses que ça sent le clitoris? Excuse-moi, le... Oh, je l'ai prononcé comme faux. Je voulais vraiment m'assurer de le prononcer comme faux. Est-ce que ça sent le clitoris? Je sais pas. Donc, c'est ça sent quoi? Le poisson, je pense. Donc, c'est une technologie ultrasonique et une solution de nettoyage biodégradable. Est-ce qu'on s'est vraiment, honnêtement, rendu à la fin du fond de 40 minutes? Ouais. Ben voyons donc. Franchement, qui aurait pensé qu'on allait faire une chronique de 40 minutes là-dessus? Sur les clitoris. Donc, on va finir rapidement. Il nous en reste que quelques-uns. Donc, ça coûte 269$ pour l'appareil lui-même. Ça dure environ... ça vient avec un genre de pod, un petit truc de liquide remplaçable qui dure environ 30 fois, qui coûte 25$ chaque. Donc, presque 1$ par nettoyage de tes lunettes. Donc, tu le fais pas trop souvent. Hein. C'est sur Kickstarter. Le projet, en date de l'article, était très loin de d'être rendu à son but. Mais on sentait que si ça fait tout ça, là, quand même, désinfecter, anti-buer, sécher et faire sentir, c'est comme aller... Faire sentir. Ouais. C'était mal dit. C'était comme aller dans une boutique de lunettes et de te faire nettoyer tes lunettes. Ça coûte rien d'habitude, mais c'est vraiment plaisant d'avoir des lunettes propres, pour vrai. Quand je suis allé, j'ai pas regretté ma décision d'être passé par là. Ah ouais? C'est cool. Tu peux faire ça? Tu peux faire ça quand t'es client. Faut que tu leur dises ton numéro de téléphone, ton nom, Playcheck. Je pense pas que tu puisses même faire juste nettoyer. Je pense qu'il faut que tu fasses ajuster les branches. Puis après ça, en tant qu'affaire, ils vont te nettoyer. Ça dépend. Je suis tombé une couple de fois sur quelqu'un qui était juste vraiment bête. Puis qui voulait pas m'aider. Puis elle m'a pas nettoyé. Elle m'a cassé ma broche. Ouais. Ben là. Mais il y a un fil de fer apparemment dans les branches qui font que ça tombe pas. Mais c'est cassé, littéralement. Bravo. Bravo la grosse bitch. Mais bon. Elle était pas grosse. Il était juste bitch. Ils sont à 14 000$ sur 280 000. D'après moi, ça ne se rendra pas à son but. Il reste encore 25 jours. Dommage, je trouve ça intéressant. Moi aussi, mais pour beaucoup moins cher que ça. C'est dispendieux. On termine avec les deux derniers qui sont à thématique chocolatée. Pour commencer, des brisures de chocolat fumées. Des brisures de chocolat, c'est bien. On aime ça, hein? Je suis pas sûr. Non. Je suis pas sûr non plus, mais je serais vraiment prêt à l'essayer parce que, tu sais, on aime le sucré salé. Pourquoi pas le sucré fumé aussi? Ouais. Tu sais, on aime le chocolat au bacon. Fumé, bacon, saucisse. Donc, c'est des smoked chocolate chips de chez Hot Cakes Molten Chocolate Cakery. Moi, en tout cas, je trouve que ça a l'air délicieux. C'est des confections gourmets qui vont attirer votre côté sucré et votre côté, évidemment, salé un petit peu plus. Chaque brisure est faite de chocolat semi-sucré. On appelle ça comment en français, semi-sucré? Mi-sucré. C'est pas mi-salé, mais c'est mi-sucré. Mi-sucré, parce que c'est pas salé. Non, c'est ça, exactement. T'as bien raison. Donc, c'est ça, c'est fumé à froid sur du bois qu'on appelle Alderwood pendant 10 heures pour donner une saveur vraiment unique et fumée. C'est parfait pour faire des biscuits, du chocolat chaud, des petits gâteaux, des s'mores, des sauces au chocolat et d'autres. Ou manger demain. Juste le sacré dans la gueule. Ah, que ça a l'air bon. Smoked chocolate chip. Et pour terminer, un crâne 100% anatomiquement correct de l'humain, mais en chocolat. Grandeur réelle, anatomiquement étudiée et arrangée pour être parfaitement à l'os près. Ben là, tu peux pas le manger. Mais tu peux le manger parce que c'est du chocolat. Ben non, mais il y a beaucoup trop de travail là-dedans. Ben je sais, ça va coûter cher en plus. C'est sûr, j'ai pas le prix dans l'article, il va falloir le chercher, mais quand même. Donc c'est fait à la main du meilleur chocolat belge dans un moule pris vraiment d'un crâne d'humain et fini à la main. Avec du vrai cacao, de la vraie poudre de cacao dans un environnement stérile. Et contrairement au squelette réel sans saveur, ces crânes-là sont mangeables jusqu'à 6 mois lorsque gardés dans un endroit froid et sec. On dit dans l'article comme un cercueil. C'est pour ça des fois j'ai l'hypo complète. Donc c'est disponible en chocolat noir, au chocolat chili. Ça c'est bon. Chocolat chili. Celui qui goûte le piment fort dans le chocolat, c'est génial. Caramel et chocolat au lait. Fait avec amour, nous dit-on, pour seulement 127,25 $ canadiens. Ouais, mais c'est pas un peu comme, à la limite, morbide de manger un crâne que tu sais qu'il y a vraiment la forme du crâne de quelqu'un. De quelqu'un de particulier. S'il nous donnait le nom et la photo de la personne, tu saurais que je peux te manger le crâne, comme on dit. T'sais. Non. Voilà. Génial. On termine sur une bonne note. Les liens sur assemblagerequis.com. Voilà pour ça existe, mais ça ne devrait pas. Oh là! Oh mon Dieu. On a fait 45 minutes, man. Ça finit bizarre. Ouais. Je sais pas. Mais moi, j'ai aimé ça. Je trouvais ça délicieux, man. Le crâne? Ouais. J'y goûterais. Pareil. Ouais, celui que j'achèterais cette semaine, si j'avais à choisir un seul, ce serait vraiment les brisures de chocolat fumées. Ah. Ouais. Je sais pas. On a comme trop fait. Je sais. Le laveur de lunettes, si tu me donnais le les petites bouteilles là, de nettoyant à vie là, avec, ouais. Là, je prendrais ça. Tu prendrais pas le petit teddy bear? Le petit teddy bear avec un nez qui vit. Es-tu fou, si toi? Non! OK, donc, on prend une pause. Au retour, on a encore les excuses d'assemblage et la bouffe de la semaine. Il n'y a pas de chocolat fumé là-dedans. Ah. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Stenciling your diagrams of trilogies and pyramids on the face of the infinite. Sing about a poetess, hyacinth around her feet, that it will never come again, is what makes our lives so sweet. Do you agree? We'll be right back. Peace and war, the stick smash on the flatbed, boys on the ball. The stick smash on the flatbed, boys to the town. Victorious in war, the stick smash on the flatbed, boys on the ball. Owen Pallett et Song for 5 and 6, la position numéro 8 anglophone. Voilà. Vous êtes toujours à Assemblage requis, l'émission estivale en pièces détachées. On vous a promis un petit peu d'instructions d'assemblage, donc les voici. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Oui, non, tu suis pas, hein? Alors, on va faire les instructions d'assemblage, question de mieux vivre un petit peu. Alors, on va essayer d'en faire le plus possible dans le temps qu'on a parce que je vais aussi faire le plus hasard du hasard. Il faudra se dépêcher un petit peu. Donc, on va se dépêcher en commençant avec une liste de faits sur comment rester au froid l'été. OK. C'est l'important. Je trouve en ce moment, il fait tellement chaud en studio, on l'a dit, il faut savoir rester au froid. Premier truc, remplir un contenant peu profond de glace et mettre le contenant de glace devant le ventilateur que vous avez de toute façon. Et ça va dans le fond rendre l'air froide en vous l'envoyant dessus. Avoue que c'est vraiment fort. Ben, si ça marche. C'est supposé fonctionner. Source sûre ici, je le précise d'habitude quand c'est des sources sûres, donc celle-là me dit que c'est une bonne source. Donc voilà, donc contenant un peu profond de glace. Ensuite, échangez vos oreillers synthétiques pour des oreillers de coton organique. Ça va rester froid plus facilement. OK. Ensuite, pour rester au froid la nuit, essayez de dormir avec des bas un peu humides. Arc, non. Moi non plus, je serais pas capable, mais c'est un conseil qu'on nous donne. Déjà, dormir avec des bas arc, avec aussi. Des bas humides. Bien d'accord avec toi, mais bon, si ça peut aider quelqu'un qui dort avec des bas de toute façon, juste les humidifier un petit peu d'eau froide, mais vraiment pas beaucoup, là. Pas 30. Là. Ensuite, gardez vos rideaux et vos stores fermés. Ça, je pense que c'est assez évident pour ben tout oui. le monde, pour empêcher le soleil d'entrer. Bon, ça, tout le monde le sait. Celui-là, par contre, on pourrait ne pas s'attendre à ça, de manger de la nourriture épicée. Donc, apparemment que le capsaïcine, voilà. Merci. Va vous faire suer et ça va vous refroidir sans augmenter la température de votre corps. Et en plus, ça augmente ton métabolisme et tu brûles plus de calories. Oh! À court terme, là, parce qu'à un moment donné, ton corps s'habitue, mais si tu arrêtes sur une période et tu recommences, ton métabolisme, ça l'active. Fantastique! Mm-hmm. Aidez à vous garder au froid un petit peu en faisant couler de l'eau froide sur vos poignets pendant une minute environ par heure. Donc, à chaque heure, pendant une minute, de l'eau froide sur le poignet. Pourquoi sur le poignet? J'imagine les veines, peut-être. Le sang, probablement, non? Je sais pas. Souvent, je prends des barbouillettes d'eau froide, je me mets sur la nuque. Ou tu t'en lances un peu dans la face. Tellement. ou sinon, un sac magique ou un truc que tu mets au congélateur. Oui, pourquoi pas. Un petit sac de liquide là, tu sais, qui ne gèle jamais. Moi, j'adore ces petits sacs-là. Du froid, mais principalement sur les poignets. Essayez-le juste pour le fun, ces poignets. Et finalement, mettez vos lotions, les lotions crème pour... Crème hydratante. Peut-être même, j'imagine, si on nous dit lotion, peut-être la lotion solaire, peut-être. Dans peut-être. Le congélateur, ou dans le frigidaire, dans le réfrigérateur, c'est ce qu'on nous dit. Donc, pour pouvoir vous refroidir quand vous en mettez au moins. Enfin, donc, moi, je l'achète en spray, c'est peut-être pas une bonne idée. Au réfrigérateur, non, probablement pas, non. C'est pas une bonne idée de dire ça en public devant des gens qui aiment pas le spray non plus. Faites attention. Ensuite, chose intéressante à utiliser. Attends un peu. Oh, j'aime moins les articles que j'ai pas lus à l'avance. On dirait que je suis pas sûr que ça va être bon. OK. En tout cas, on va l'essayer. C'est ce qu'on appelle le penny date. Quand vous cherchez une façon de trouver, dans le fond, une bonne idée de date. OK? Donc, ça nous dit. Habillez-vous pour sortir et prenez une pièce d'une cent. C'est rare, là. Ça semble difficile à faire, ça. Difficile à trouver. Mais on a tous ça quelque part en prévision de faire des rouleaux avec à un moment donné, puis on les fait jamais parce que ça vaut pas la peine. 50 cents. C'est quoi? C'est 25 cents ou 50 cents par rouleau? C'est n'importe quoi. Ça vaut tellement pas. 50 cents. J'ai 6 pièces en rouleau de cent noir à la maison. Bon. Va mettre ça dans un Coinstar, donne-le en 30% de ta part. Puis... OK. Donc, laissez votre rendez-vous, votre partenaire choisir un nombre entre 10 et 20. Ça va être le nombre de fois que tu vas faire le lancer de la pièce de monnaie. Ensuite, sors du stationnement, OK? Et ensuite, face, c'est à droite et pile, c'est à gauche. Donc, à chaque fois que tu arrives à l'intersection, tu flip une penny et tu tournes du sens approprié. Donc, vous décidez évidemment, pas obligé de faire ce que l'article dit, là, mais pile ou face. Et encore une fois, une scène, on s'en fout, ça pourrait être un 25 cents. Mais ils appellent ça penny date, fait que le concept, c'est d'une scène. Et donc, une fois que tu arrives au nombre désiré, donc mettons la personne a choisi 11, ben, ça va être 11 fois pile ou face. Et tu regardes autour de toi et tu fais un rendez-vous à l'endroit où tu es arrivé. Faut que tu fasses ça en ville. Faut que tu fasses ça en ville. Et pas au centre-ville de Trois-Rivières, parce qu'il faut tout le temps que tu tournes à droite. Je pense au centre-ville de Trois-Rivières, t'as comme. Il y a tout le temps des sens uniques, là. Ouais, fais-la à pied. Ouais, fais-la à pied. Là, après ça. Ouais. Fais-la à pied. Mais c'est ça, faut que tu fasses ça en ville, parce que, admettons que t'es dans le bois. Mm-hmm. Admettons que t'es en Gaspésie. Ouais, okay. Ça se peut que tu fasses ça, genre, dans une résidence, dans une. De quelqu'un que tu connais pas. Dans une cafétéria d'une résidence de personnes âgées, ce serait parfait, non? Ouais, ça se peut que tu fasses ça entre un arbre puis un orignal. Ah oui. Entre l'arbre et l'écorce. Si tu veux arrêter de fumer maintenant, va dans un sauna 3 jours de suite et tu vas suer la nicotine de ton corps. C'est le plus facile d'arrêter, nous dit. Ah. Je sais pas si je le crois, mais ça a l'air logique que tu as la nicotine dans le corps et que tu la sues. Moi, je trouve ça a l'air logique. Si quelqu'un. Ah, tiens, petite phrase facile à retenir, là, mais pour vrai, retenez-la. Si quelqu'un essaie de vous voler dans la rue, donnez-leur tout ce que vous avez. Tout est remplaçable et vous n'êtes pas remplaçable. Si vous faites tuer parce que vous voulez pas donner votre stock. Hein. Hein? Là, ça dépend. Coûte cher de ta vie. Ouais, mais tu sais. J'ai une bouteille Tupperware. Une bouteille Tupperware. Mais peut-être que ton argent, tu pourrais la mettre, mettons, dans tes, en dessous de ton. Entre le soulier et ton bas. C'est des affaires de vraiment de valeur, l'argent en tant que tel. Transportez pas d'argent dans votre portefeuille. Tu sais, il y en a qui vont me dire. Ben, Come on! Non, mais pas vrai. Ben oui, ça, c'est chier pour arriver pour payer au Walmart quand tu sors ton argent de ton bas. Non, mais pas tout ton argent, mais tu sais, il y en a qui vont. Tu sais, j'ai entendu dire l'autre fois, tu devrais vivre. C'est plus pour rentabiliser ton argent, ta paye. Pour réaliser ce que tu dépenses, tu devrais, à la place de mettre ton argent dans un compte à la caisse ou à la banque et tout le temps utiliser ta carte, tu t'en rends moins compte que tu dépenses, tu devrais retirer tout ton argent et l'avoir sur toi de l'argent physique, t'sais. Mais Colin, si tu te fais voler... T'es pogné des scènes en plus. En plus, fait que non, t'sais, moi j'ai de la misère avec ça. Mais bon, bref, transportez le moins d'argent possible de toute façon sur votre personne. Si vous avez besoin d'argent d'urgence, peut-être dans votre soulier, mais en tant que tel, votre argent tous les jours... Ouais, admettons que vous allez au guichet sortir l'argent du loyer pour soit votre colocataire ou votre conjoint. Exactement. Ça pourrait être bien de le transporter dans votre brassière, mettons. Mettons. N'importe où sauf dans votre portefeuille parce qu'un voleur est si vite arrivé. On veut pas vous faire peur, c'est juste de même ça arrive. Ça arrive. C'est tellement facile. Tellement facile. Justement, tellement facile qu'ils le font. Façon stupide, puis c'est la seule façon facile qu'ils ont trouvé pour trouver de l'argent. Bon. Ensuite, frottez du désodorisant entre vos cuisses. Pour les empêcher de frotter quand vous portez des shorts. Des jupes, peut-être? Peut-être plus des jupes, mais des shorts aussi. De frotter du désodorisant entre vos cuisses. D'accord, okay. Ça va sentir bon dans l'entrejambe. Ensuite... Je vais te réveiller quelque chose. Okay. J'ai fait une pièce de théâtre au secondaire. Mmh. Puis j'étais maquillée tout le visage. Sauf qu'il faisait vraiment très, très chaud avec les spots puis tout ça. Fait que le maquillage restait pas. Fait en dessous du nez. Moi, quand j'ai chaud, c'est en dessous du nez. Je transpire. Fait que j'avais tout le visage blanc et le dessous du nez qui est plus de maquillage, couleur peau. Fait en cachette, j'ai mis une petite barre de désodorisant dessus de mon nez. Faut vraiment pas faire ça. En plus, c'est écrit de ne pas utiliser ça ailleurs. Non, non. Mais j'étais comme, non, ça me tente pas. Là. Je veux avoir mon maquillage. Je me suis mis du désodorisant dessous du nez. Ça a marché. Eh ben. C'est cool. Mais faut pas faire ça. Non. Pas ça non. Et encore une fois, on dit désodorisant, non pas antisudorifique. Pas la même chose. Faites attention. Ouais, en fait, c'est d'antisudorifique qu'il faudrait mettre, pas du désodorisant. Pour empêcher de suer, alors que du désodorisant, c'est juste pour parfumer. Ouais, c'est ça. Ça n'a même pas rapport entre les cuisses non plus. Non, c'est ça. Exact. C'est ça. Fait que, tu sais, prenez les bons mots et faites pas juste lire directement ce qu'on vous dit. Faut réfléchir un petit peu des fois dans la vie, hein, puis ça, c'est pas mon fort. Mettez des fleurs au réfrigérateur au moins pendant un soir pour que les fleurs durent 3 fois plus longtemps, nous dit-on. OK. Nous dit-on. Mais essayez-le. Ça a l'air vraiment bon. Le muffin, OK? Mettons, vous achetez un muffin, un cupcake plus. Mettons, un cupcake, c'est celui qui a de la crème dessus, genre, au-dessus du glaçage. Oui, c'est du gâteau. Du gâteau. Donc, qui est en forme de muffin. Prenez le dessus. Chopez dans le fond. Chopez le muffin en deux pour garder la crème, OK? Le top et le fond. Le top et le fond. Puis revirez le top pour faire un sandwich. Ça a l'air bon, hein? Ben oui. Ben oui. Ben, ça a l'air vraiment bon, puis j'en veux un là. Ensuite, je trouvais ça une drôle d'idée, mais en même temps, j'avoue que la saveur pourrait être assez parfaite. Prenez votre pizza, mettons que c'est une pizza vraiment fancy, peut-être avec du fromage, vraiment. T'sais, mettons une pizza, mettons, grecque, avec des olives, du fromage, des tomates, un paquet de grosses affaires vraiment fancy. Rajoutez des tranches d'avocat dessus. Pourquoi? On y pense pas, mais c'est juste bon. L'avocat se mélange avec de la pizza parfaitement. pour vrai. Ça a l'air très bon. En fait, on dirait une pizza à la bruschetta. Oui, c'est ce que j'avais en tête. Je cherchais le mot. Mais bruschetta. Ah, OK. C'est pour ça que j'ai dit grec, tu sais, olive, tomate, mais, fromage. J'ai justement essayé une recette hier. Un burger, mais la boulette, il n'y a pas de viande. C'était des haricots noirs, de l'avoine, de la patate douce, des épices cajun, puis tout ça. Puis dans le burger, c'était des tranches d'avocat. Et c'était tout simplement sublime. Pour vrai, là, je suis en train de redécouvrir l'avocat ces temps-ci. J'en mets partout. Je suis pas un grand fan d'avocat. J'ai essayé dans un sous-marin. Ça, c'est la grande promotion en ce moment dans un restaurant de sous-marin quelconque, de mettre de l'avocat partout. J'ai pas tellement aimé ça, mais c'est la qualité de l'avocat est très importante. Ouais, c'est ça. C'est peut-être la façon qui est texturée. Puis... Exact. Et aussi, peut-être, c'est à quel moment est-ce qu'ils ont fait leur purée d'avocat. Est-ce qu'il était plus mûr, moins mûr? Je vais t'en faire une guacamole, moi. Merci, Dou. Ben, fin d'août. Essaye de choisir un mot de passe qui serait comme un but dans ta vie. Comme ça, tu vas tout le temps te rappeler de ton but. Tu sais, mettons ton mot de passe, c'est, tu sais, je sais pas, un but. Qu'est-ce que tu peux avoir comme faire but? Faire de l'argent. Faire de l'argent, c'est ton mot de passe. Go! C'est pour s'en rappeler tout le temps. Pour vrai, si c'était pas mon mot de passe actuel, je vous partagerais. C'est quoi mon mot de passe? Mais mettons faire un voyage à Bora Bora ou peu importe. Là, mettons. C'est pas ça ton mot de passe, toujours? Je vais te les essayer tous les rêves possibles, genre aller à la Walt Disney World. Ça se peut que ce soit long. Ouais. N'aie jamais peur de dépenser un petit peu plus d'argent sur deux choses dans la vie, un lit et des souliers. Parce que si t'es pas dans le lit, t'es dans tes souliers. Puis si t'es pas dans tes souliers, t'es dans un lit, probablement. La plupart du temps. Je suis tout à fait d'accord. Ben oui. Mon matelas coûtait vraiment cher, mon oreiller coûtait vraiment cher. Puis normalement, je préfère dépenser pour des souliers. Parce qu'en plus, tu sais, tant qu'à acheter une paire à 10$, t'es pas bien dedans. Oui. Ça dure un été. Puis brise, puis tout. Ouais. Ben c'est ça. Tu payes 10 fois plus cher, t'es gardé 10 fois plus longtemps, puis t'es 10 fois mieux dedans. On est-tu les seuls à penser de même dans la vie, on dirait? Parce que pour vrai, je trouve que c'est tellement évident comme raison de. Ben moi, c'est mon père qui m'a inculqué ça. Bravo. Il y a comme 40 000 souliers. C'est un peu bizarre. Ouais, mais c'est ça. Il a un salaire pour s'acheter 40 souliers, fait que tu sais, c'est correct pour lui. T'sais. C'est ce qu'il veut faire. C'est ça. 40 souliers de luxe. Il est heureux. Et voilà. Il a, c'est les, ça. Il a les pieds confortables. En santé. Ouais. Faut prendre soin de ses pieds, ça part tout de là. Mais oui. Bon. Mais oui. Quand, déjà, ça le dit, quand tu te lèves du mauvais pied, au moins, lève-toi dans des bons souliers, d'un bon lit, jusque dans des bons souliers, même si c'est du mauvais pied. C'est tout un proverbe, ça? C'est Stéphanius, Confucius. J'aime pas ça quand tu vires mon nom avec cette consonne-là. Je fais vraiment n'importe quoi. Non. Ouais, j'avoue. On va terminer sur quelques petites phrases cute. Tiens, pourquoi pas? On parlait d'argent il y a deux secondes. C'est une citation d'un certain... je te dirai à la fin. Je vais commencer par la citation. L'argent, c'est des nombres, et les nombres, les chiffres, n'arrêtent jamais. Si ça prend de l'argent pour te rendre heureux, ta recherche du bonheur n'arrêtera jamais. Et c'est signé Robert Nesta Marley. C'est Bob Marley. Bob. C'est Bob Marley. C'est bon. Ah. Une belle phrase de Bob Marley. Oui. Il n'a pas juste fait des boissons d'énergie. Je ne sais pas trop quoi, quel produit qu'on a mis sa face dessus. En fait, je pense que ce n'est pas d'énergie. C'est comme le contraire. Ah, de calm down. Tu as les boissons relaxantes maintenant. Hein? C'est bon. C'est le slow carb, tout ça. Là. C'est vraiment bon, ces boissons-là, pour relaxer. Mais je sais pas si c'est bon pour relaxer, mais c'est bon au goût. J'ai pas trouvé ça bon, moi. Non, pour vrai. Moi, de la vache pas vite. Là. La vache pas vite. C'est pas fromage. Je pense que oui. On a parlé d'avocats tantôt. Les avocats, ça va augmenter les niveaux de sérotonine. Manger des avocats, c'est une bonne façon d'être heureux et de soulager la dépression. Ah! Mm-hmm. Guacamole! Dernier. Tiens, t'as parlé tantôt de te mettre du désodorisant sur la lèvre supérieure. Dans le même genre, quand tu te coupes, mettons, peut-être pas toi spécifiquement, là, mettons quelqu'un qui se couperait le visage en se rasant. Ça peut arriver aux filles aussi, mais t'sais, quelqu'un qui se coupe la... C'est assez rare, je me rase le visage, moi. Ouais. Je me disais. Mais si, mettons, à un moment donné, tu te rasais et que tu te coupais, mets du chapstick sur ta plaie, ça va aider à... empêcher d'arrêter... Ça va arrêter de saigner, finalement. Tu peux mettre de l'ozonol aussi. L'ozonol, si t'as pas ça. Ça fait job. Voilà, c'est tout. C'est hey, cool! Voilà pour les instructions d'assemblage. Tant qu'à être dans cette portion d'émission et d'être encore dans nos temps qu'on s'était donné, on va juste rapidement faire le plusieurs du hasard pour pouvoir passer la bouffe de la semaine dans quelques instants. Donc, le plusieurs du hasard qui est l'endroit où se ramasse absolument tout ce qui tombe entre les cracks des différentes chroniques. On y va très très rapidement. Blitz de choses que j'ai trouvées cette semaine qui ne fait pas dans aucune chronique. Un superbe jeu vidéo qui ressemble à un dessin animé des années 30. Si tu as déjà voulu jouer à un jeu dessin animé des années 30, le jeu s'appelle Cuphead. Il a été montré pendant la conférence de presse de Microsoft de la Xbox One la semaine passée, ou il y a deux semaines à l'E3. Le jeu est vraiment, vraiment super beau. C'est le studio MDHR qui a développé ce jeu-là, qui devrait être lancé en 2015 sur Steam et sur Xbox One. Le studio espère sortir ce jeu-là sur la Sega Master System. Ça, c'est la Genesis. Ah ouais. Pour vrai, ils vont sortir le jeu avec une cartouche, une boîte et un livre d'instructions de Sega Master System. Et on va le sortir évidemment pour la Xbox One et pour Steam. Ça, c'est pour les PC et les Mac. Donc, le jeu vraiment est basé sur un style d'animation des années vraiment 50. Le studio a même pris des vraies cellules de dessin. Tu sais, ils dessinaient sur des affaires transparentes. Oui, oui. Ils ont vraiment pris ça pour faire les dessins. Et la trame sonore, c'est du jazz enregistré par un vrai band. Vraiment cool. C'est vraiment fantastique. Allez voir la trame sonore, la bande-annonce, pardon, sur assemblagerequis.com. Le jeu met en vedette Cuphead et Mugman si tu joues en version co-op. C'est un shooter run and gun, un peu comme Contra dans le temps. Et c'est présentement nominé pour un prix au International Games Festival. Juste pour vous donner un petit avant-goût de la trame sonore. Là. Parce que je trouve que c'est cool, puis on va pouvoir continuer de parler. Il a l'air vraiment cool. C'est bien. C'est vraiment malade pour vrai. C'est ça, c'est du jazz enregistré par un band. Là. C'est tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite, j'ai posté une petite vidéo. Je ne la ferai pas jouer parce que ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est 11 minutes de compilation de prix des années 80 à l'émission Double Dare. Il y avait une version québécoise qui s'appelait Double Défi. C'est le site web Everything is Terrible qui a assemblé 11 minutes de ces prix dans les quiz des années 80, dans ce quiz précisément là, des années 90. Tous les meilleurs systèmes de son, il y a des jeux vidéo super rétro là-dedans. Ah. Un peu à la Price is Right, mais c'était plus pour les enfants. C'est vraiment cool, donc allez voir ça. Est-ce que tu démissionnerais de ton poste pour 25 000 $? Bonne question quand même, qu'une compagnie a mise au test. 25 000 $, assez pour couvrir les dépenses d'un Américain moyen, d'un Nord-Américain moyen pendant au moins quelques mois. Un employeur qui s'appelle Riot Games, qui est fabricant de jeux vidéo populaires comme League of Legends, paie à ses employés 10% de leur salaire jusqu'à 25 000 $ pour démissionner de leur emploi directement là, même s'ils travaillent là que depuis une journée. C'est similaire à ce que Zappos avait fait, eux qui donnaient à leurs employés 2 000 $ s'ils voulaient s'en aller tout de suite, et Amazon offrait 3 000 $ à ses travailleurs d'entrepôt et jusqu'à 5 000 $ pour les employés qui avaient plus d'expérience. Ils utilisent cette façon-là de faire pour trouver les gens qui ne sont pas enthousiastes par rapport à leur emploi. Donc, ils se disent, si les gens ne sont pas heureux, ils vont accepter l'argent, ils vont aller travailler ailleurs, on va pouvoir engager quelqu'un qui a un petit peu plus envie de travailler et de vraiment se donner. T'sais. Puis, admettons que 25 000 $ c'est plus que ton salaire annuel. C'est jusqu'à un maximum de... Ah ouais, ça non. Donne le coup ouais. De partir. C'est sûr, c'est sûr. Donc, c'est 10% comme on dit tantôt, que c'était pas grand-chose par rapport à la plupart des salaires moyens. Aux États-Unis, on dit qu'un programmeur de jeu avec moins de 3 ans d'expérience va mériter en moyenne 72 000 $ par année. Les programmeurs qui ont plus de 6 ans d'expérience, eux, vont ramener environ 124 000 $. Donc vraiment, c'est seulement quelques mois de paye, mais c'est un passez-y bien pour trouver des gens qui sont plus heureux, peut-être. Mm-hmm. Ensuite, vidéo très rapide de Chuck Jones qui dessine Bugs Bunny. Si vous voulez apprendre à dessiner Bugs Bunny, c'est un petit 2 minutes et demie, c'est super rapide. Ça vient d'un documentaire qui s'appelle Chuck and Muck The Movie. C'est Chuck Jones qui dessine Bugs Bunny avec son commentaire par-dessus. Il commence avec juste vraiment un rond et des lignes. Moi, je trouve ça fascinant, ça. Je suis tellement nulle en dessin, puis ça a l'air tellement facile quand c'est eux autres. Je me souviens, dans un épisode des Simpsons, ils montrent comment dessiner Homer. Puis ça a l'air tellement simple, mais non, c'est... C'est juste des formes, on dirait, mais en même temps, c'est tellement assemblé de façon précise. Donc, ils dessinent Roadrunner et Wile E. Coyote aussi dans les vidéos. Et finalement, tiens, je viens juste de trouver ça aujourd'hui pendant l'émission. Tantôt, je cherchais la solution à mon problème. Sur mon iPhone, j'ai bloqué, j'ai mis un contact télémarketing. Et à chaque fois que quelqu'un m'appelle qui est du télémarketing, je le mets dans ce contact-là et j'ai fait bloquer le contact. Okay. Et là, je recommençais à avoir des appels de nouveaux télémarketing, alors qu'ils étaient... Ben, en fait, c'était pas des nouveaux, ils étaient dans ma liste de blocage. Puis c'était marqué télémarketing, quand ils appelaient, ça me disait télémarketing. Je me disais, pourquoi est-ce que ça apparaît quand même si je les ai bloqués? La solution, j'ai trouvé sur le site d'Apple, dans la section forum, quelqu'un a répondu que quand tu fais un contact télémarketing ou spam, à chaque fois que tu rajoutes un numéro dedans, les nouveaux numéros, ils s'en rappellent pas. Faut que tu débloques et que tu rebloques le contact. Ah. Aussi simple que ça. Donc, ceux qui ont le même problème, qui se disaient pourquoi est-ce que je reçois quand même mes messages de télémarketing alors que j'ai un contact bloqué, débloqué, rebloqué, tout va être réglé. Voilà pour le puisard du hasard. C'était rapide et efficace comme on les aime. Au retour, la bouffe de la semaine. À son majorité. Yay! Enfin! Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Toujours à Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Mm-hmm. Et ça nous amène à...

En tout cas, son est épais, bien ondulé. Il y a des petits grains verdâtres dessus, des assaisonnements de tzatziki, j'imagine. Ben, on dirait, quand tu les regardes, je dirais que ça ressemble à un look de crème sur oignon. T'as l'impression que ça va des crèmes sur oignon. Ça sent un peu ça. Un petit peu, mais on sent le fruit de mer. On sent la panure, je dirais, d'un fruit de mer, non? Ah ouais? Je trouve. Je sais pas, je trouve que ça sent l'huile, puis le sel, puis le vinaigre. Parfait. On va le voir se le mettre dans la bouche tout de suite, donc allons-y. Parfait, attention. Go. J'ai jamais goûté à ça, c'est super bon. Je trouve ça totalement perturbant. J'ai l'impression d'être au Japon. Quoi? Pas, non, mais les Japonais ont des sortes de chips vraiment bizarres, puis tout a un fruit de mer dedans, on dirait. C'est vrai. Ça me fait penser à des sushis. On dirait que je mange une sorte de sushi qui aurait des calmars dedans. On dirait qu'il y a même un petit peu de sauce à sushi. On dirait de sauce soya quasiment, on dirait, dedans. Je sais pas si c'est peut-être juste moi qui fais une image. Parce que j'associe des calmars avec ça, mais... Non, ça goûte pas du tout. Mais honnêtement... une sensation de sushi dans la bouche. Je trouve pas que ça goûte la tzatziki. Je trouve pas vraiment que ça goûte les calmars, mais c'est bon. C'est ça l'important. Et c'est vraiment très, très, très, très, très, très bon. Je trouve. C'est totalement différent de tout ce que j'ai mangé avant. Oui. La texture est agréable aussi. Chose, ça a légèrement la texture. Je sais pas si tu connais les croustilles de crevettes qu'ils vendent, par exemple, dans les restaurants asiatiques. Oui. Non, c'est des croustilles très, très poreuses qui vont fondre sur la langue. Je trouve qu'il y a un petit peu de tout ça. Je trouve que ça c'est légèrement fondant. Ouais. Ça me fait penser aussi à des petites... des affaires de riz, un petit peu, on dirait. Mm-hmm. Croustilles de riz. À saveur de calmante. Non, c'est parfait, je trouve. C'est très bon. Très, très bon. On va finir le sac tantôt, je pense. Mais on va devoir se quitter là-dessus. Émission qui a passé vite. Comme deux jours. Vraiment, on dirait qu'on a fait une grosse chronique. Ouais, on a passé comme 3 tonnes en 3 heures. Fait que c'est pas mal comme parfait. Comme d'hab. Comme d'hab pour cet été, en tout cas. Il nous reste une dernière émission la semaine prochaine avant nos vacances. Donc, on va être en mode rediffusion pour le mois de juillet. On l'a pas encore annoncé, mais c'est comme ça. La dernière émission sera le 3 juillet pour l'instant. On va être en congé jusqu'au début du mois d'août. Donc, en théorie, première semaine du mois d'août, on doit être de retour pour une autre édition de l'Assemblage requis. La semaine prochaine, Steph, tu seras pas là. Non. Je te le demande parce que je le sais. Je vais juste le dire, mais je voulais te faire parler. Malheureusement, donc Stéphanie ne sera pas avec nous, mais moi, je vais être là pour vous faire le reste du contenu de tout ce que j'ai accumulé depuis les dernières semaines pour essayer de clencher ça avant les vacances puis repartir à neuf au mois d'août. À venir sur nos ondes, évidemment, c'est l'émission Rock Révélé qui s'en vient. On va de retour jeudi prochain entre 15h et 18h. Entre 14h, oui, et 18h. À 14h, les Palmarès, c'est fou. 15h, Assemblage requis. À 18h, c'est pour Rock Révélé. On repasse samedi. À midi, c'est Assemblage requis. 15h, les Palmarès, c'est fou. À 17h, soyez là pour le voyage insolite. Et finalement, lundi, à 14h, Assemblage requis. À 17h, les Palmarès, c'est fou. Et à 18h, sera la nouvelle émission. Les Palmarès du monde. On se quitte sur une pièce de Doug Wave, Croco. On aime beaucoup cette pièce-là. Ben donc, oui. On se quitte avec ça. Hey, merci Mathieu, toujours un plaisir d'être en ta compagnie. Merci, c'était d'être toujours là quand tu peux pour Assemblage requis. Long futur à notre relation radiophonique. C'est ça. Bye! Bye, à la prochaine.